Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondins Analysés, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 20h, 21h30 et peut-être même un petit peu plus ce soir pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce vendredi, eh ben, on est bien ce vendredi. Pourquoi? Puisque oui, mesdames et messieurs, Bordeaux est en Coupe d'Europe, qualifié pour les phases de poule de l'Europa League. Et alors là où c'est encore mieux, c'est qu'on connaît nos adversaires, puisque le tirage a eu lieu cet après-midi. Le tirage a eu lieu à midi, à 13h. On va évidemment débriefer tout ça dans la première heure. On va revenir sur le match d'hier, gagné 2-0, le tirage, nos futurs adversaires. Est-ce qu'on est content, pas content, bonne poule, pas bonne poule, bon tirage, enfin voilà. On va évidemment reparler de tout ça. On parlera également du match qui nous attend dimanche. Hein? T'en chies un peu là. Bah, c'est surtout que je viens de finir de. T'avaler. Voilà, mon sandwich. Digestion difficile. On parlera donc de Rennes dimanche. C'est 17h dimanche? Ouais. Dimanche, je sais pas. Aidez-moi, allô, quelqu'un? Oui, ça doit être ça, oui. Merci. Dimanche 17h, donc les Girondins de Bordeaux, 4ème journée de Ligue 1, se déplaceront sur la pelouse du Stade Rennais. On parlera évidemment, et on va commencer par ça, par la nouvelle de l'après-midi qui sont l'arrivée de deux renforts, à savoir Yann Caramo de l'Inter Milan et Andreas Cornelius de l'Atalanta Bergame, sous réserve évidemment de la traditionnelle visite médicale. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc ce serait deux prêts, hein, pour l'instant, avec option d'achat potentielle. Oui, enfin, un pour Cornelius et pas pour Caramo. À voir après si ça évolue. Le coach, évidemment, la venue du futur coach. Bordeaux toujours à la recherche d'un entraîneur pour prendre la relève d'Éric Bédoué. Et un nom s'est dégagé cet après-midi. Il s'agit de Ricardo. Alors évidemment, depuis l'histoire de Thierry Henry, tant que rien n'est fait, rien n'est officiel, on s'enflammera pas sur sur une rumeur, sur une information, on va dire, plutôt qu'une rumeur. Mais voilà, on va quand même un petit peu en parler. Donc on devrait dépasser 9h30, on va pas se mentir. Vous pouvez nous appeler évidemment au 05 56 35 31 31 pour réagir en direct à tout ce qui va se dire dans cette émission. Vous pouvez aussi également rejoindre nos amis du chat présent ce soir. Bonsoir à vous, c'est en train d'arriver petit à petit. Voilà, et ben écoutez, on va attaquer tout de suite cette émission avec, une fois n'est pas coutume, un invité au téléphone. Marc. C'est à toi. Romain, bonsoir Romain. Alors, Romain Molina, si je ne me trompe pas dans ton nom de famille. Bonsoir Romain. Je suis un spécialiste pour me tromper dans tous les noms et prénoms. Alors, je vais baisser un tout petit peu le son de mon micro. J'ai l'impression vraiment d'être trop fort. Celui-là, il bug un peu, tu sais. Donc, ouais, moi aussi, ça me fait bizarre dans l'oreille. Ouais. Voilà, c'est bizarre. Je suis dans l'oreille. Ça... Alors, Romain, pourquoi tu es au téléphone avec nous ce soir? On est avec nous parce qu'on a vu. Alors, déjà, celui-là, on va encore le sortir, ce micro, parce qu'il marche. Ouais, il est vraiment catastrophe. Tout foireux, ouais. Ah. Voilà, qui sera beaucoup mieux. Ah. On a vu la vidéo que tu as sortie sur YouTube concernant le rachat des Girondins, où tu expliques les différents montages, où tu parles du rachat pendant une dizaine de minutes. Donc on invite les gens à aller voir la vidéo, mais il me semble c'est qu'elle est pas entière. T'as pas eu une petite coupure à la fin? Si, mais quand tu vois le matériel que j'ai, la caméra, elle a tendance à s'éteindre toute seule, tu sais pas comment, et vu que j'avais pas le temps et puis que je ne sais pas utiliser Paint, alors je te laisse imaginer pour un truc de montage. Mais tu es bienvenu dans l'équipe, tu as les compétences qu'il faut pour intégrer cette émission. Puis vu que j'ai prévu de faire plusieurs épisodes, donc... D'accord, ça marche. Donc où tu parles de ce rachat, on va en parler, puisque c'est un petit peu, nous, notre actualité chaude au niveau des Girondins de Bordeaux. Comment tu, dans ta vidéo, alors on va t'en faire parler un petit peu ici, même si on invite quand même les gens à aller la voir, on partagera le lien sur nos réseaux sociaux, mais de ton côté, comment tu vois ce montage, comment tu le juges? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de plutôt sérieux ou quelque chose de plutôt bancal? Bon, écoute, déjà, ça va peut-être surprendre beaucoup de personnes, mais ce genre de rachat, en fait, est plutôt assez logique et habituel. C'est-à-dire que j'appelle ça les poupées gigognes ou les poupées russes. C'est une société qui en englobe une autre, avec des ramifications dans des paradis fiscaux. Alors je sais que ça peut choquer parce que bon, en France, on s'intéresse malheureusement pas trop au comment. On s'intéresse beaucoup aux résultats, mais on oublie le chemin souvent, comme dirait Marcelo Bielsa. Et en fait, c'est un procédé assez courant. Il faut aussi comprendre qu'il y a de plus en plus de rachats de clubs. Ça va, je pense, s'intensifier à l'avenir. Et parmi ces rachats, il y a beaucoup de fonds d'investissement, notamment provenant des États-Unis. Ce qui est totalement le cas avec donc avec Bordeaux. Alors après, on n'est plus dans une structure à la Gérard Lopez, c'est-à-dire avec des fonds qui viennent de capitaux en prêt, ce qui évidemment pose question parce que tu te dis, en gros, est-ce que toi et moi, même si on n'a pas une thune au final, bah si c'est pas notre argent mais que c'est uniquement des prêts, bah en gros n'importe qui peut racheter. Même si je vais te répondre qu'il faut aussi avoir la crédibilité sur les marchés financiers pour obtenir ses prêts. Bon, après, quand tu vois tout en haut qu'il y a King Street, qui est un fonds vautour qui fait des prêts à 15% d'intérêt, bon, tu te dis, bah, ça va être du trading de joueurs. Est-ce que c'est vraiment le foot qu'on aime? Je ne pense pas. Maintenant, c'est une mode qui devient de plus en plus grande ici et là. Donc, après, que ça soit bancal ou pas, ce qui est intéressant, c'est l'opacité qu'il y a derrière. L'opacité, dans un bon business, c'est un business qui est discret. Des fois, tu ne sais pas vraiment les proprios. Mmh, oui, c'est exactement. Sauf que là, il y a Alain Yacine. Et là, c'est fascinant. Parce que je suis à la recherche de qui est ce mec-là, et là je peux te dire qu'il y a des trucs... Ah mais nous aussi, bah écoute, voilà, Thibaut, c'est exactement ce qu'il nous disait juste avant de prendre l'antenne, il nous disait ce monsieur, il a un nom, un prénom, hein, Alain Yacine. Non, il existe. Mais, il existe. Voilà, c'est le mystère. Il y a deux Alain Yacine aux États-Unis, il y en a un qui habite à Los Angeles, et un autre qui a un appartement à Miami, Fort Lauderdale, je crois. Voilà, il est en carton républicain, officiellement il serait libanais, et ce serait un banquier d'affaires. Il travaille au Brésil, problème, tous les journalistes que je connais au Brésil et même un banquier m'a dit, j'ai jamais entendu parler de ce mec. Moi je pense que c'est un espion, je l'ai partagé avec mes collègues en le match. Non mais rigole pas. C'est quoi, c'est Yann, connerie comme ça. Bah, tu sais qu'on rigole, mais il y a plus d'un mec des services secrets dans le football. Non mais je rigole, hein, c'est pas... D'avoir un nom caché comme ça. Quel peut être l'intérêt aujourd'hui pour... Travailler discrètement, pour GACP, le business, pour il te l'a dit, le business c'est travailler discrètement, donc voilà. Mais il y a plusieurs intérêts. Un club de foot, c'est un synonyme de pouvoir. Il faut toujours prendre la perspective un peu plus large. Pourquoi il y a autant de millionnaires, maintenant des milliardaires? On parle pas des millionnaires, maintenant on est rentré dans le cercle des milliardaires. Pourquoi il y a autant de mecs de pouvoir qui achètent des clubs? Parce que le foot, ça représente quelque chose. Aujourd'hui, quand tu vas en loge dans un match, t'as les investisseurs de la région, au niveau industriel, au niveau politique, t'as les décideurs, tout se passe là-bas. C'est une magnifique carte de visite pour négocier des contrats, et je peux te dire que ça fait bander plus d'un mec. Pour certains, ça peut leur donner aussi une assurance vie. J'ai un club de foot, donc potentiellement, je peux me protéger. Et surtout, ça leur permet de fleurir leur business. Prends un mec comme Olivier Sadran. Olivier Sadran, grâce au foot, son entreprise, elle a pu être crédible dans le monde entier. Donc, tout ce que tu vas investir dans le foot, tu peux le récupérer par une autre manière. Et dans le même temps, il y en a, ça les fait triper. Il y en a qui aiment aussi le foot. Il y en a qui n'ont rien à foutre du foot. On va être très clair. Là, dans ce cas-là, j'en sais rien. Mais quand je vois à peu près le montage et tout, ouais, je me dis, on s'achemine vers du trading de joueurs de manière assez grotesque, parce que je veux dire, prendre Hugo Varela comme agent numéro un pour ton projet, tu vois, c'est comme si tu cherches un virus pour la rage et que tu vas prendre un premier année de médecine, quoi. Ça va pas aller très très loin, quoi. C'est vache. Non mais va voir le site d'Hugo Varela, Football and Friends. Le mec, il te promet qu'il va être le meilleur joueur du monde. Tiens, je vais y aller en direct. Je vais regarder. Football and Friends, tu me dis. Football and Friends, et tu tapes Hugo Varela. Mais tu rigoles un moment. Et donc, en fait, pour connaître un peu le milieu quand même, plus un agent parle, plus il dit « moi j'ai ci, moi j'ai ça », moins il est crédible. Un mec qui est capable de te dire « je vais te ramener les meilleurs joueurs du monde, on va vous faire des tournées en Asie avec les meilleurs coachs, et s'il est là », et que tu vois sur son propre site qu'il ramène d'obscurs joueurs en Moldavie, en Roumanie, tu te dis « bon ». C'est pas encore Lionel Messi. On n'est pas encore à ce niveau. Est-ce que justement le projet américain, aujourd'hui on vient de voir que Ricardo devrait être le prochain coach des Girondins de Bordeaux, qu'il arrive avec un gros réseau, est-ce que l'ambition aussi, on sait que c'est pas le seul agent qui participe au projet, c'est le nom qui revient le plus souvent, mais ce n'est pas le seul dans tous les conseillers que possède Dagrossa, au final il y en a d'autres. Est-ce que aujourd'hui, moi ce que je dois t'avouer, c'est que j'ai du mal à savoir qui décide. C'est-à-dire que dans plusieurs reprises de clubs, que ce soit à Paris par exemple ou à Monaco, qui sont deux exemples français, on connaît les personnes qui sont on va dire l'arbre qui est devant la forêt. Là, on te parle de Dagrossa, mais c'est pas lui qui a le pognon. Déjà, c'est pas lui, mais même si c'était pas lui, c'est lui qui peut drainer derrière les investisseurs ou les garants. Mais on n'a pas l'impression, on a l'impression que il est conseillé. Mais il est conseillé par plein de monde. On a l'impression que ça perturbe beaucoup. Sur le cas Henry, mais il avait des conseillers qui avaient, alors, les, ces infos qui sont ressorties, on est vraiment qu'au stade du rumeur, mais il y avait des gens qui disaient que, qu'ils voulaient Henry, d'autres qui disaient qu'ils ne le voulaient pas. Il y a eu des conflits d'intérêts par rapport à l'agent d'Henry. Aujourd'hui, c'est ça. Bah, c'est déjà, bon, l'agent d'Henry, va falloir m'expliquer qui c'est, parce que Thierry Henry bosse sans agent. Oui, pardon, Cyril. De, d'après ce qui se dit, dans les, notamment donc sur la RMC, je ne sais pas qui ils ont contacté. Ça pour serait le faire fils le... à Dean. Ah, de Dane. Dane, ou je ne sais pas. Ah, d'accord, avec Dean. Okay, okay. Le fils du président d'Arsenal. C'est oui, Dean, ce que disaient okay. Riolo et Roten. Sur Daniel, je le connais bien, mais Daniel, ce n'est pas un mec de terrain. Donc, Oui, mais bon, quand même, je pense que si. Il y a eu aussi l'équipe qui a cité ce nom-là. Non, mais d'accord, ok. Mais non, non, mais très bien, mais. Maintenant, écoute, ça peut être plein de choses. Je dis, ça peut être un homme de paille. Deux mecs qui veulent rester dans l'ombre et ils mettent un homme en figure. C'est ce qui est déjà arrivé, notamment, si tu veux checker. En 2005, le club de Corinthians est racheté au Brésil officiellement par un mec qui s'appelle Thiago Rapchian, qui est l'agent aujourd'hui de Coutinho, David Luiz, Willian, Oscar, Ramirez, et top 5 agent mondial. En fait, ce mec-là, c'est un homme de paille d'oligarque qui est en cavale. Alors, je te dis pas que là, il y a un projet criminel derrière. Je te dis juste que ces mecs-là peuvent être de la figure, de trou d'un projet, mais que réellement, les mecs qui ont pas envie de sortir, ils sont derrière, ceux qui ont le pognon et tout ça. Ouais, mais alors, j'entends ton discours, et pour en avoir parlé avec lui... Et avec mais ça veut pas dire que c'est criminel, hein. Oui, non, mais j'ai entendu aussi le discours de Skunk, de Flo et des UB avant le match, sur la scène du la petite scène que met le club, là, je sais pas qu'on appelle ça, à l'écran géant, là. Ouais, c'est ça, c'est le principe, c'est un écran géant. Voilà, non, je cherchais le truc. Un écran qui fait 12 mètres carrés ou 20 mètres carrés, ouais, c'est un écran. Télé, ouais, la télé. Voilà, une... je vous préviens, ça va être compliqué ce soir, les gars, je vous cache pas. Non, donc j'ai entendu ce discours-là aussi. Alors, les mots étaient volontairement forts et choquants pour interpeller les gens, mais ça parlait de mafia, ça parlait de trucs occultes, non, de machin. Je veux dire. Pour le moment, il n'y a pas de mafia. Voilà, je veux dire, premièrement, on n'a aucune preuve de quoi que ce soit, et je me dis, j'ai quand même encore confiance. J'ai confiance tout court en monsieur de Taverneau et je n'imagine pas, mais une demi-seconde, que monsieur de Taverneau cède le club à des gens qui ont des potentiellement des casseroles au derrière, quoi, pour être poli. Mais potentiellement, est-ce qu'il peut savoir qui y a derrière? Oui, après, évidemment, c'est pas, oui, évidemment, Taverneau, c'est pas le FBI, il a pas les moyens d'enquête de je suis d'accord, non, mais... Surtout que si tu finis, regarde, je te fais très simple. T'as une structure qui en englobe une autre, qui en englobe une autre. Bon, d'accord. On te dit, la société X fait une offre. Mais en fait, tu vas dans les statuts de la société X et tu t'aperçois que cette société X, elle est administrée par une autre société, qui est ensuite administrée par une autre société. Et tu termines dans un paradis fiscal où tu ne peux pas savoir qui est propriétaire. Mais ça, donc, mais c'est si public et c'est contrôlable. Ça, mais non, parce que tu termines dans un paradis fiscal. Ah, mais tu peux pas savoir. Mais oui. Genre Gérard Lopez, quand il a racheté Lille, moi je peux te garantir, il n'y a aucune manière de savoir d'où vient l'argent exactement à la base. D'accord. Ça aurait pu être un trafiquant d'art mondial comme un type tout à fait normal, ça aurait été la même chose. D'accord. Mais maintenant les mecs, enfin, je veux pas, mais il y a une énorme hypocrisie dans le foot. Moi je veux dire, là je vais sortir un livre en octobre qui va expliquer ça, mais Jean-Michel Aulas qui donne des leçons à tout le monde, bah, Jean-Michel Aulas, excuse-moi, moi j'ai un contrat, quand tu vois, il a pris 10 millions. Ah bah quand tu vois d'où ils viennent les 10 millions, tu dis bah dis donc l'argent n'a pas d'odeur, hein. C'est en 2006. Donc moi je reste prudent et après on va être honnête, la gestion de M6, je suis pas fan de Bordeaux, je suis pas au club Bordeaux, mais enfin le club se faisait un racketter et deux c'était le cimetière des éléphants, quoi. J'ai l'impression qu'en nombre d'emplois fictifs, les Girondins ça avait un niveau. Ah alors ça. Bon le PSG est mieux, parce que les PSG sont imbattables. Mais ils ont des résultats, ça va. Ouais, mais ils ont les meilleurs joueurs, ils ont plus d'argent que tout le monde. Je crois qu'on avait, je crois, une centaine d'employés de plus que, par exemple, l'Olympique Lyonnais, et qui a. Non, mais tu peux avoir 100 employés de plus, mais il faut, voilà, il faut que ça soit 100 employés qui servent à quelque chose. Voilà. La cellule sportive du club, c'est une. Mais dans n'importe quelle entreprise, on parle pas que des Girondins de Bordeaux. Ah oui, voilà. Évidemment. Oui, oui, bien sûr. Bah, après, mais faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, tu penses, depuis un moment dans le club. Parce que là, le truc, c'est qu'il y a des luttes d'influence à tous les niveaux. T'as les agents français, les agents, on va dire, de clubs qui travaillent historiquement, qui sont pas contents parce que forcément, Poyet est arrivé. Il a dit, en gros, c'est quoi cette merde? Il a essayé de faire son truc avec de son côté. Mais en fait, pour moi, à Bordeaux, c'est un panier de crabes. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Peut-être j'exagère, mais franchement, non, je vois pas aujourd'hui. Tu résumes en quelques mots ce que beaucoup de supporters bordelais pensent, c'est-à-dire que le club est désorganisé. C'est souvent ce que disent même les journalistes ou les anciens joueurs qui parlent sur on va dire les radios nationales. Je prends l'exemple de Dugarry, c'est souvent là-dedans c'est souvent les propos qu'il tient, c'est que Bordeaux est un club qui est désorganisé au possible. Romain, voilà. Avec tout le respect que j'ai pour Ulrich Ramé, hein, grand joueur devant l'éternel, mais quand un club met Ulrich Ramé directeur sportif, c'est que le club il a un fonctionnement amateur. Parce que Ulrich Ramé, je pense que si tu lui parles, je te prends un exemple tout bête. Charlie Muzamba. C'est quand même un joueur connu, c'est même pas qui c'est. Je sais pas, faudrait lui demander, ça je peux pas te vérifier. Si ah bah moi je peux te le dire, un directeur sportif qui parle pas un mot d'anglais, qui connaît que le marché français, ah vache, et qui s'appelle la plonge de ton entraîneur en plus, dans la presse, de manière discrète. Sauf que c'était pas lui. Attention. Bon. Thibaut. Non, mais j'écoute. Bon, après, voilà, je découvre. Je pense qu'il peut être très bon sur plein de choses, mais tu mets un mec qui a pas d'expérience à ce poste-là, pour gérer ça avec une cellule de recrutement qui n'est pas écoutée et qui ne va ne faire pas grand-chose. Et au final, qui est gagnant de tout ça? Les agents dits de club qui amènent leurs mecs. Moi, je peux te dire, je vais même te dire une anecdote. C'était quoi, il y a 2-3 semaines, il y a des gens qui ont contacté des amis à moi en mode « Ouais, bah Bordeaux, ils n'ont pas d'idée, proposer des joueurs. » On en était là. Et là, je me suis dit « Non, mais attends, mais ils n'ont pas d'idée. » Mec, ils ont que ça, foutent de leur journée, ils n'ont pas d'idée, ils demandent à les agents « Ouais, aidez-nous. » Mec, mets un minimum de propositions, quoi. Là, je me suis dit, le fonctionnement, c'est amateur. Romain, on a une question sur le chat de Machonneur qui demande, enfin, grosso modo, est-ce que l'état de Delaware, on entend souvent parler que c'est paradis fiscal. Niveau fiscal, c'est bien. Donc voilà, donc du coup, c'est une zone où il y a zéro contrôle, c'est ça? Alors, je pourrais pas te dire, je suis pas assez expert, mais quand t'as un truc aux îles Caïmans, enfin bon. Je vais même te dire, même à Londres, hein. À Londres, il y a un coin, tu fais certains trucs, bon. Après, tout dépend, en fait, de la société, comment elle est. Parce que tu peux avoir une société qui est même basée en France, mais si cette société, elle appartient, en fait, à une autre société qui est à Malte, tu fais comment pour checker? Tu peux essayer de checker avec le registre de commerce de Malte, mais enfin, bon courage, hein, si tu l'ouvres. Pour revenir juste sur le Delaware, Cyril, je j'ai pas vraiment d'informations précises, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le parrain 2, toute la famille Corleone, elle part s'installer au Delaware. Ah, après, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut pas, j'en sais rien. C'est peut-être non, un mais moi, honnêtement, ça me dépasse. Oui, c'est moi aussi, vraiment oui. Très au-dessus de mes compétences et je t'écoute avec grande attention. Mais moi, c'est tellement loin de mon football. C'est même plus du football, oui, voilà, c'est ça. Loin de mon football. Le foot, c'est ça, hein, les gars. Hein, maintenant, je vais te dire, c'est une phrase du plus grand avocat de foot du monde. Il n'est pas connu, il s'appelle Udi Shoktovic. Udi Shoktovic est l'avocat du grand agent, enfin du plus grand agent de foot au monde, s'appelle Pinizaevi. Le mec, il me l'a dit clairement. Les dieux du foot, c'est ceux qui aiment les cigares, qui boivent des verres de whisky et qui jouent dans les salles de jeux privées pour négocier des millions. Je cherche pas plus loin. Le foot, c'est ça. Les autres que tu vois, c'est des gladiateurs. Ils appellent ça comme ça. Bah, t'as compris. Regarde, là, je veux dire, le PSG, ils font Choupo-Moting. Tu crois qu'il y a une putain de logique sportive? À part taper Véron, il y a une logique. Oui, c'est vrai que Choupo-Moting pour entre guillemets être le remplaçant mais de Cavani ou Mbappé ou. Mais même les, même attends, même votre club, vous dites Choupo-Moting, mais jamais signe à Bordeaux. Et c'est normal. On aurait été capable d'aller chercher. Hein. Mais là où Romain a raison, là où Romain a raison, je pense que certains autour de la table, je pense que tu leur dis Bordeaux c'est une Choupo-Moting. À mon avis, ça fait trois fois le tour de son slip et sans toucher l'élastique. Sans toucher l'élastique. Oui, c'est vrai que. C'est... Oui, après, attention, il va peut-être faire une très bonne saison et ça sera peut-être un très bon joueur. Après, pour revenir un peu sur le sujet, bon, moi j'écoute bien ce que tu nous dis et déjà que ma foi en GACP était assez, on va dire, ténue. Là, ce que voilà, clairement, tu viens d'aller de m'achever. Donc, non mais attends, je finis sur le truc parce qu'en fait, on est en train de parler de montage financier. Effectivement, faut pas être dupe. Hein, le football aujourd'hui, ça dépasse largement le cadre du rectangle vert. puisque ça se joue beaucoup en coulisses et les compétitions tant nationales qu'internationales aussi sont biaisées parce que l'argent ça serait vraiment être débile que de nier la réalité une réalité. Moi ce qui m'interroge maintenant aussi c'est qu'est-ce qui va se passer en fait derrière, c'est-à-dire que Bordeaux aujourd'hui va être acheté par un consortium, donc GACP imbriqué dans plusieurs sociétés offshore ou etc. Est-ce que par exemple toi tu as eu des échos sur quel est le projet que GACP souhaite mettre en place à Bordeaux. Est-ce que les hommes dont tu parlais tout à l'heure vont être partie prenante du projet? Est-ce qu'éventuellement tu peux nous renseigner là-dessus? Première chose, déjà, un fonds de pension, on va dire un fonds d'investissement, peut très bien faire les choses. Parce qu'après, par exemple, il peut peut-être avoir envie de revendre le club, comme Elliott Management a envie de... Au Milan AC, Elliott Management est le fonds vautour par excellence aux États-Unis. D'ailleurs, c'est des potes de King Street Capital qui prêtent l'argent aux nouveaux propriétaires. Bref, eux, ils ont mis Leonardo. Ils ont mis les mecs de ballon pour gérer. Donc, je me dis, eux, ils ont envie de faire quelque chose à peu près correct pour soit revendre le club, soit le remettre bien. Bon, bref, ils ont leur raison. Maintenant, tu as les autres. Là, tu te dis, les mecs qui vont reprendre Bordeaux, ils sont associés avec Hugo Varela. Alors, Hugo Varela, il est gentil, hein. Mais je vais te le redire, c'est un étudiant de première année à qui tu donnes il doit développer le vaccin contre la rage. Donc le mec, non mais va sur Football and Friends, c'est-à-dire le partenaire numéro un, c'est pas l'ami, c'est l'associé. J'y suis allé, je te cache pas que je maîtrise pas assez l'anglais pour t'en parles dans ta vidéo de ça. Ouais, non mais son associé, c'est pas un ami chinois, il est quand même impliqué dans toutes les joyeusetés de ma fin. Pas directement, mais il est pote avec tous les mecs qui truquent des matchs dans les pays de l'Est. Alors déjà tu te dis, mais putain, mais ils peuvent pas choisir un mec différent. Et surtout, bah après je dis pas que Varela il fait ce genre de truc. On a eu Baize, c'est ouais, pas chaud comme ça. Mais Varela, c'est quoi son réseau? Je veux dire, en 2015, il présente un projet pour acheter Estoril, et en fait le consortium qu'il présentait en anglais c'était tout bidon, il n'y avait aucune garantie financière. Le mec il a acheté les droits TV d'une télé-réalité diffusée au Brésil, vis-à-vis du foot. Alors même s'il a du réseau, etc. un petit peu. Moi, j'attends les compétences du mec. Et là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de financiers de montage et il reste zéro de foot. Donc, ça marche pour faire un mix. Et surtout, quand ils veulent que des joueurs en prêt ou des joueurs gratuits. Ce qui, ça, veut dire, ça sent pas bon. Et dans les négociations que M6 et Nicolas Tavernon ont entamées avec GACP, ils peuvent pas... Alors, évidemment, on sait pas exactement sur quoi ça porte, mais je veux dire quand même, tu peux pas... M6, c'est pas non plus prêt à baisser son fut, à accepter tout et n'importe quoi. Pourquoi ils pourraient pas dire, ben les enfants... Peut-être cette personne, elle est peut-être un peu trop, entre guillemets, pas sulfureuse, mais il y a trop d'incertitudes autour de telle ou telle personne. Soit vous les écartez du projet, soit on vend pas. Seb, regarde Cédou. Regarde Cédou à Lille. Oui, il a pris Gérard Lopez. Non mais le problème surtout c'est que on va pas se cacher ici, on l'a souvent répété, la ligne déficitaire d'M6 dans les comptes chaque année, c'est les Girondins de Bordeaux. Bertelsmann, qui est l'actionnaire majoritaire, donc direct d'M6. A sommé Nicolas Tavernon de se séparer du club. Et que il y a un mec qui arrive, il met 100 millions sur la table de Tavernon, il serait con de dire non, hein. Je veux dire, mais regarde, on est la même situation que Lille. Il y a un déficit d'exploitation, il y a un nouveau stade déficit, ouais. Qui est pour moi qui est beaucoup trop grand et mal placé, qui pour moi est l'antithèse de ma définition du foot, qui est avant tout un lieu social et culturel. Je vois pas un stade au milieu d'une autoroute, ce que ça représente pour une ville. Chacun son avis, mais quand je vois le nouveau stade de Lyon, mais bon, il est connecté, on peut draguer sur Tinder, on peut matcher, donc c'est pas grave, comme dirait Jean-Michel Aulas. Mais chacun sa définition du foot après. C'est encore mieux le nouveau stade de Lyon est même pas à Lyon, c'est encore mieux. Bah oui, il a décidé. Mon ex habitait juste à côté, c'est un coin, c'est au milieu de nulle part. À 2 km, il y a une bonne pizzeria, allez, soit. Mais plus sérieusement, pour moi, vous allez faire comme Lille, dans le sens, vous avez un investisseur qui veut se barrer, parce qu'il perd de l'argent, etc. Il y a un déficit d'exploitation. Ça fait des années où c'est quand même un peu globalement la foire. Vous avez un nouveau stade qui coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, et qui pour moi, c'est la politique des nouveaux stades en France, elle dessert les clubs plus qu'autre chose. Regarde ce qui s'est passé au Mans, par exemple, qui est un excellent exemple aussi, même à Lille. Grenoble, avec la même arena, le Havre. Exactement. Oui. Et là, tu arrives avec des types qui viennent d'on ne sait pas où, c'est pas leur argent, c'est des prêts. C'est le même projet que Gérard Lopez avec une idée de trading de joueurs. Est-ce que c'est ça qu'un club historique de France mérite? Donc ça, c'est le projet de GACP. À la différence, quand même, les enfants... S'ils veulent que des joueurs gratuits et des joueurs en prêt, c'est pourquoi, d'après toi? Non, mais je c'était une question. Il y a quand même une différence. Des joueurs en prêt, tu peux pas gagner sur des plus-values à la revente. Non, mais ça veut dire que t'as pas de thunes, surtout. Ouais. Il y a quand même une différence. Alors, évidemment, on va pas parler de football une fois de plus, comme dit Cyril, c'est un peu désespérant ce monde-là, mais la comparaison avec Lille, elle a au moins un point commun avec les Girondins de Bordeaux, c'est que Bordeaux, c'est une image dans le monde entier. Lille, alors amis lillois, si vous m'entendez, que vous êtes dans le nord, j'ai vraiment rien contre vous, mais à part la braderie, les frites et les tas de moules et un quart de finale de Coupe Davis tous les ans ou tous les deux ans ou je sais pas combien ça, voilà. Enfin, je veux dire, Lille a pas la renommée en termes de, ne serait-ce que de nom, qu'à Bordeaux. Tu vas aux États-Unis, tu dis sûr. Bordeaux, alors les gens penseront pas football, mais ils penseront, ça leur parle. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est une ville qui a un rayonnement qui dépasse l'Aquitaine, évidemment. Bah, c'est quand même une ville d'influence, notamment ce qu'il y a autour. C'est pour ça que j'étais assez étonné qu'il n'y ait pas d'autres repreneurs possibles. Après, M6 demande beaucoup trop d'argent, ça c'est mon avis. C'est beaucoup trop cher pour ce que ça vaut. Il y avait un mec intéressé, je peux même te le dire, qui s'appelle Pyroge. Oh putain, il a un nom à coucher dehors avec un billet de logement, comme dirait ma mère. C'est un Thaïlandais qui détient le club de Mukron aujourd'hui. Pyroge, P-A-I-R-O-J, et il a un nom, j'arrive jamais à le prononcer, avec son fils Peter, qui avait aidé au rachat de Sheffield Wednesday, Reading en D2 anglaise, et à l'époque de Manchester City, quand ça avait été racheté par les Thaïlandais. Ils avaient été intéressés par Bordeaux, mais je cite, il y avait trop de mecs à corrompre. Et c'est pour ça qu'ils sont pas venus. Et là, on est pas mal, les enfants. Là, on est pas mal. Bon. Là, on est bien. C'est les propos qui engagent la personne qui les a dit. Hein. il va pas te le dire en on. Ouais. Moi, je vais te dire, avec deux agents autour de la table, un agent qui travaille pour Doyen Sport, qui est en portugais, qui s'appelle Amadeu. Ah, Doyen Sport, j'étais étonné que ce nom ne ressorte pas à un moment donné. Bah, il conseille un peu Peyroge, et le deuxième gars qui le conseille, qui est son mec, c'est Pinizahavi. Et ces mecs-là ont étudié la situation, et texto, ils leur ont dit, non, mais c'est un bordel avec les politiques, il y a trop de mecs à corrompre, on n'y va pas, c'est de la merde. Eh ben, écoute, on est pas mal. Romain, pour finir, tu as sorti un livre en novembre 2017, El Matador Cavani. Ouais. En 2015, tu es donc supporter de Marseille. Galère Football Club le 16 avril 2015. Ouais. Est-ce que tu peux parler de ton actualité et te présenter à tous ceux qui ne te connaîtraient pas? Bon, alors je suis on va dire que je fais du journalisme à défaut d'être journaliste. Je suis auteur et indépendant. Donc là, par exemple, je viens de publier une enquête sur le New York Times autour d'un club lituanien qui exploite copieusement les joueurs avec ce pas de tests médicaux. Ils sont 19 à vivre dans une même maison, les passeports confisqués. Preuve de bien joyeuseté. Et en même temps, vu que j'ai aucun média fixe et que j'en veux pas, vu que je suis indépendant, j'ai une chaîne YouTube où je fais des vidéos absolument pas montées. Autour de divers thèmes liés au football, ça peut être des thèmes culturels, sociétaux, historiques, etc., ou également quelques manœuvres en coulisses, et je sors en octobre, un bouquin, on va dire, autour de, j'appelle ça les super agents, mais c'est en fait un bouquin, c'est un peu comme un thriller, tout sourcé, documenté, évidemment, parce que j'ai beaucoup de docs, avec beaucoup d'interviews. Ah, mais j'ai tout en main. Et quand j'ouvre ma gueule, c'est que je peux l'ouvrir. Je veux dire, je vais faire le mec arrogant, mais je crois que le seul mec dans la presse, il y a le contrat de Neymar à Paris, c'est moi, tu vois. Je l'ai. Donc moi, par exemple, quand j'ouvre sur un sujet, tu vois, je peux l'ouvrir. Sur Pinizahavi, dont je parle, qui est, je pense, le plus grand agent du monde, je l'ai interviewé 4 heures. Donc, quand je l'ouvre, je peux l'ouvrir. Quoi. Donc voilà, ça va être un bouquin avec pas mal de meurtres, d'affaires d'espionnage et des super agents dans le foot. Oui, c'est une fiction. En précision, c'est une fiction. Oui, c'est un thriller. Enfin voilà. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est encore mieux. C'est encore mieux. J'adore. Enfin, c'est pour ça que je suis un peu menacé, tu vois. Mais bon. Bon, bah écoute, que je peux pas dire et d'autres que je peux dire, quoi. Mais on va te souhaiter quand même de pouvoir faire tout ça dans de bonnes conditions et que voilà et que ça se passe bien. On va surtout pour toi. Te souhaiter d'avoir tort pour les Girondins de Bordeaux. Mais ça peut être très bien. Hein. Enfin, ça peut être très bien. Il peut n'avoir aucun souci derrière. C'est juste des financiers qui essayent de faire un truc. C'est aussi possible. Par contre, pourquoi choisir Hugo Varela et Alain Yacine? Ça, c'est une question. Bah déjà, faudra déjà. Que Alain Yacine, c'est pas. Peut-être que mais c'est ça se trouve, Alain Yacine, c'est Rayola, tu sais, t'en sais rien. Non, mais déjà, il faudrait surtout que Mendes. Dagrosa s'exprime sur le projet, ce qu'il compte faire à Bordeaux, parce qu'on l'a pas entendu depuis. Non, mais il peut te dire ce qu'il veut. Oui, oui, oui. Non, mais tu crois qu'il va te dire quoi? Il va te dire, oh là là, c'est un beau club, on va investir, blablabla. Il va être démagogique comme tous les sujets. Romain a complètement raison sur toi pour nous publier tout ça. Thibaut, toi qui étais, et vous aussi les gars qui êtes beaucoup plus que moi, en tout cas sur les réseaux, sur Twitter, sur machin. Moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que pour l'instant, Joe Dagrossa, à défaut d'être à la tête du club, son rôle, c'est caresser les supporters dans le sens du poil. Je le vois. Parle pas, donc j'ai pas Twitter, compliqué. Mais je vois un petit peu ce qui tourne sur. Oui, non, mais je le vois s'exprimer. Non, mais c'est non, pas lui. Il s'exprime pas. Autant pour c'est moi. C'est même pas lui, donc. Tu nous fais quoi, là, ce soir, Seb? Bah, écoute, je suis désolé, je vois des gens. Dagrossa a fait, tu vois des gens, d'où les gens, c'est ce qui est un critère de qualité. Il a fait une sortie, elle est pour Sud-Ouest, il a dit quatre mots et il a dit ce que n'importe qui à ouais. sa place aurait dit. Ouais. C'est-à-dire que ben il était content. Wonderful City, Bordeaux, yeah, wonderful. Ben voilà, c'est ce que je vous disais, le gars est là pour je traduis un petit peu tout le monde dans le sens du poil. Ville, Bordeaux, mais il est là pour j'aime le club et pas tant qu'on voilà. Mais c'est tellement débile ce que tu dis, mais il va pas dire autre chose. Mais non, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Oui, oui, alors j'ai pas une thune, je m'appuie sur un partenaire financier qui me prête de l'argent plus cher qu'une banque. Je te dis pas ça, je te dis quand on dit on l'entend pas s'exprimer, vous voulez qu'il s'exprime? Je pense qu'il s'exprimera après, une fois que la vente sera faite. Peut-être après, voilà. Parce que la vente est toujours pas faite. On te remercie. Pour toi, si, une petite question, Romain, d'ailleurs, on en a pas du tout parlé. Yas, tu nous as dit que le stade c'était aujourd'hui quelque chose de très compliqué pour les clubs de foot. Ouais. Les joueurs n'échappent pas à la règle. Et en plus, ça risque de complexifier la vente. Est-ce que, pour toi, demain, la vente peut être annulée? Peut être annulée à cause du stade? Ou est-ce que pour toi, le projet est trop avancé pour que ce genre de choses puisse capoter? Tu peux jamais être certain dans une entreprise. Il peut toujours avoir des imprévus. Après, ne connaissant pas assez le dossier du stade, je ne dirais rien. La seule chose, c'est quand je vois le prix de Bordeaux et que je vois à côté le prix de certains clubs en Espagne, bah, je me dis que Bordeaux, s'ils arrivent à vendre à ce prix-là, M6, putain, ils s'en sortent bien. Ça, c'est cher. Hein. C'est super cher. Le dans prix. Les 100 millions que M6 va récupérer, en fait, sur les attends, il n'y a que l'équipe qui parle de 100 millions. Sinon, de ce que je peux avancer, c'est que sur les 100 millions que M6 entend récolter du fruit de la vente, il y a à peu près 20 millions qui concerneraient le club en lui-même et le reste c'est tout ce qui est reprise de dette que M6 a contracté. Mais maintenant je vais te poser une question. Oui. Toi, oui. T'as de l'argent, tu mets 100 millions pour Bordeaux? Non. Avec les prix du marché. Ah ben moi je suis fan donc oui. Honnêtement non, parce que quand je compare des clubs à peu près équivalents, voilà, style Marseille, enfin des clubs historiques du championnat, même Saint-Etienne aujourd'hui, il est pas valorisé à 100 millions, donc effectivement c'est très bien vendu. Oui, non, mais c'est très cher, on est d'accord. Mais M6, on sait que De Taverneau est quand même dans la télévision déjà un très fin négociant et encore plus dans le business, donc voilà. Tu vas pas lui apprendre à négocier. Non, c'est clair. Ça, oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup Romain d'avoir passé ce début d'émission avec nous et puis bonne chance à toi, bonne continuation. Merci, je dois t'avouer. Bonne chance à vous en tout cas. Merci pour également à toi. Merci. Passez un bon week-end. Bonne soirée, bon week-end. Ciao. Hein? Oui, on est synchro. Non, par contre, cette histoire de micro, ça commence à être relou, sérieux. Bon. Deux micros pour 6, 5, je crois qu'on est d'accord. Oui, on va se débrouiller. Voilà. Bon, les enfants, on a déjà fait avec moins. Tiens, il y a un petit match ce soir qui est quand même pas dégueu sur le papier. C'est Lyon-Nice, coup d'envoi dans 10-12 minutes. Lyon avec sa nouvelle recrue, défensif belge, pardon. Gros bobsic. Non, je pensais à Deneuer, mais aussi pourquoi oui, pourquoi pas. Non, c'est parce qu'il y a un gars sur Twitter qui a fait une blague. Ah, d'accord. Ok. Gros boobs. Ah, oh là là, j'avais pas. Ok. Ah, pas mal. Voilà. Ça passe. Bien, messieurs, on va enchaîner directement avant de parler du match d'hier. Très intéressant, quand même, l'intervention de Romain Ménard. Oui. Que vous pourrez retrouver en podcast. Mais une claque, quand même. Disons que moi, j'ai été surpris. Mais qui maîtrise son, lui maîtrise son sujet du moins. Ah oui. Et le boss c'était l'objectif de la soirée. Hein, donc c'est un discours un peu différent de ce qu'on entend d'habitude. Mais disons que c'est franc par, il y a un certain franc parler qui moi je trouve très agréable. Le but c'était de proposer aux auditeurs une analyse différente que celle qu'on peut faire et que celles qui sont faites par les médias, puisqu'il attaque le sujet sur un angle qui est totalement différent. Il n'est pas journaliste, rappelons-le, donc il a une liberté comme nous. Ouais. Après moi j'ai déjà sur YouTube, il est vraiment pas mal. Il suit beaucoup de dossiers, oui, genre. Marc, tu le vois bien, les mecs qui ont la carte de presse, qu'est-ce qu'on n'arrête pas de dire? La langue de bois, les questions pourries, tu vois ce que je veux dire? Les mecs se mouillent pas, ils veulent garder la place, ils veulent pas se faire, il y en a pas un qui est au Haillan, avec tout le respect que j'ai pour eux, je les aime beaucoup parce qu'on les a, mais il y en a pas un qui va tous les jours faire des interviews au Haillan, qui va faire ce genre de truc, tu vois ce que je veux dire? Le mec, il se fait. Bien sûr que si, t'as la presse bordelaise qui est tout le temps là. Non, mais aller creuser dans ce genre de, tu vois ce que je veux dire, d'investigation un peu poussée à faire machin. Mais c'est pas leur rôle. Oui. C'est chacun son rôle. Romain Molina a comme objectif d'écrire un bouquin. Les journalistes de la presse bordelaise ont le souci d'informer au jour le jour la situation du club. Ouais, c'est pas exactement la même. C'est pour ça, lui s'inscrit dans une autre optique qu'on voulait faire partager aux supporters bordelais. Et puis c'est pas du. Enfin, lui, c'est plus du journalisme. Même s'il est pas journaliste, mais c'est du journalisme d'investigation, ouais, comme le dit Cyril. Alors que le journalisme de quotidien, de amis, de l'équipe, Sud-Ouest, etc. C'est plus, voilà, c'est du quotidien, voilà. Donc, ça, il n'y a pas de différence de valeur, mais c'est pas du tout le même boulot et c'est pas du tout. Quoique même des fois, comme on a, parce que on a entendu parler de King Street, on a entendu parler de tout ça. C'est quand même des gens cool, comme Clément Carpentier de 20 minutes, oui, Emery Ten de l'équipe, qui sont allés aussi chercher les infos, Fred Larry aussi de Sud-Ouest, donc ils sont capables aussi d'aller chercher et gratter les infos, donc il faut pas non plus déconner, quoi. Rémi. Après, moi qui le suis depuis quelques années sur YouTube, parce que moi j'ai beaucoup su à cause de Sochaux qui s'est fait racheter par des Espagnols et tout, et là il expliquait et tout, et je trouve après il a fait un dossier aussi sur Paris avec Cavani, relation avec Neymar, et là ouais, franchement il sort des trucs que peu de gens les sortent, mais ouais, après comme dit Thibaut Pucelle, il est vraiment très bon sur ce qui va, il creuse vraiment sur beaucoup de choses. Enfin, ouais, de ce qu'il nous a dit, il faut quand même espérer qu'il ait pas raison sur tout, parce que sinon pas bien. quand il parle de trois trucs, ça fait mal aussi. Il explique les choses. En soi, c'est ce que lui dit. Il explique les choses. Il te dit pas ce qui va se passer. Il t'explique que généralement, dans l'histoire, ça peut ou pas sentir bon ou pas bon. Ou pas bon. Donc l'avenir dictera. On sait qu'on va pas sur un milliardaire comme Manchester City ou PSG, où le mec a de l'argent à plus savoir quoi en faire. Mais ça, on le savait aussi déjà. On est sur des financiers qui cherchent à rentabiliser leur exploitation, soit en revendant le club avec une plus-value, soit en faisant de l'argent sur les marchés de transfert. Donc tu peux pas passer à avoir que du gratuit et du prêté. C'est là où je le trouve un peu fort, dans le sens, c'est vrai que si tu regardes le mercato bordelais, il y a eu deux prêts, dont un aux options d'achat, un joueur gratuit, et enfin même pas deux prêts, il y a eu trois prêts, il y a eu beaucoup, voilà. Mais on est dans une espèce de mercato transition, t'as très très mal géré. Bah t'as eu trois prêts, t'en as deux avec option d'achat, et un. Mais c'est qui le troisième avec option d'achat et 200. Mais tu as. Moi je vois les deux de cet après-midi là. On va en parler tout de suite. Ah putain, je l'avais oublié. Et voilà, donc ça fait 3 joueurs sur les 5 recrues qu'on a fait. Par contre les gars, enfin on va pas non plus, parce que là on est en train tous de se regarder un peu les uns les autres. Mais on rappelle quand même aux auditeurs que les propos qui ont été tenus par Romain Molina n'engagent que lui. Hein, c'est pas. Enfin voilà, moi je. Il y a des choses sur lesquelles j'ai. Moi j'ai pas. Non mais attends. Oui, il dit ce qu'il veut, très bien. Mais quand il attaque nominément Ulrich Ramé, etc., en disant que c'est, enfin je vais pas le paraphraser parce que c'est pas du tout mon propos, mais j'espère surtout qu'il a les preuves de tout ce qu'il avance, et que voilà, si jamais il y a des choses c'est qui pas bon. Oui, mais il a le droit. Non, mais je te parle pas de ça, je te parle de tout ce qu'il a dit avant. Ah. Aussi sur King Street, etc., etc. Mm-hmm. J'espère vraiment et sincèrement qu'il a les preuves de ce qu'il avance, parce que on est dans le cadre d'une émission de radio informative, sympathique, bon enfant et tout. Voilà, il faudrait pas non plus que voilà. Donc je laisse juge de ses propos et j'espère que il a les preuves de ce qu'il a avancé. Ça ne retombera pas sur la gueule. Au pire, non, mais c'est pas la question. Au pire, on fera une cagnotte litchi. Bon, tu peux toujours essayer, mais à mon avis. Oh oui, on va bien ramasser 3-4 euros. Par contre, c'est vrai que à sa décharge, c'est vrai que dans ses vidéos, parce que je l'ai découvert à cette occasion-là, à chaque fois qu'il a, enfin sur la vidéo, il a toujours envoyé le lien vers un journal. Enfin sérieux, quoi, je veux dire un vrai journal, donc c'est documenté et sourcé, comme il mais dit. C'est ce qu'il dit lui-même. Il pourrait pas se permettre de dire ça. Je rappelle quand même que certes il est libre de dire ce qu'il veut, mais il faut faire attention aussi et pas non plus croire tout ce qu'il a dit. Voilà, il y a peut-être des choses aussi qui ont été peut-être extrapolées, à vérifier. Ou je sais pas. Ouais. Bien, merci pour cette précision. C'est vrai que c'était nécessaire parce que dans cette période où on entend tout et n'importe quoi un peu partout depuis un mois là, entre il est sans langue de bois. Moi, je suis désolé. Ah, moi, je suis friand. Oui, moi, j'ai beaucoup. Après, j'ai, ça engage que lui. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Alors les enfants, on va parler de l'actualité la plus récente, hein, on va dire. C'était cet après-midi, un petit peu après 17h. Stéphane Martin a donc confirmé au micro de du bon Willy sur une radio en trois lettres qui aime les infos, le talk et le sport, la venue, le prêt de deux joueurs offensifs. Le premier s'appelle Andreas Cornelius. Qu'est-ce qui se passe? Je vous vois tout excité là. Qu'est-ce qui se passe? Donc je disais, Andreas Cornelius, attaquant de l'Atalanta Bergame, serait prêté à Bordeaux avec une option d'achat de 5 millions d'euros. C'est la Gazzetta dello Sport qui a confirmé et qui a complété l'info donnée par 20 minutes. Donc attaquant international danois de 25 ans, 1m93. Il joue à Copenhague aussi pour tout à l'heure. Il a joué à Copenhague aussi. Hein. Exactement, prêt avec option d'achat de 5 millions, avancé par le journal sportif. Il a raté son penalty hier. Alors, ils ont été éliminés en barrage hier soir de la Ligue Europa. Son penalty contre son club formateur, qu'est-ce qu'il voulait quitter à la 23. Donc l'histoire est peut-être qu'il a fait exprès. Donc c'est une énorme brêle, hein, évidemment, puisqu'il a raté un penalty. C'est une brêle. Non, parce que c'est ça que vous entendez, c'est quoi? Mais non, mais on te raconte l'histoire. T'écoutes ou pas? Il est formé à Copenhague. Il rate son penalty avec l'Atalanta Bergame. Il vient à Bordeaux. Il jouera contre Copenhague. C'est pas énorme. Qu'il y avait Copenhague dans la poule. Oui, parce qu'en plus il veut quitter le club italien, donc pour avant de quitter le club. Donc en théorie, son prochain club est le Slavia de Prague, alors, si je dis pas de bêtises. Peut-être, ou le Zénith. Donc lui, ça serait pour l'attaquant. Et le deuxième joueur, alors c'est un nom qu'on connaît, enfin moi du moins je le connaissais, Yann Caramo. Puisqu'il vient de Caen. Voilà, de Caen. Par contre, je savais pas du tout qu'il était à l'Inter. Il a signé l'année dernière à l'Inter et on était déjà sur lui à l'époque. Malheureusement, c'était un peu trop cher déjà pour nous, oui. Parce que je crois qu'il est parti là-bas pour 6 ou 7 millions d'euros, il me semble, peut-être un peu plus, je me souviens plus du montant exact. Ce qui est beaucoup pour Caen, on va pas se mentir. Et surtout, c'était un gamin qui a 18 ans ou 19 ans quand il part, donc il est vraiment très jeune. Et puis là, il revient. Bon, il a fait une saison où il a pas énormément joué, il me semble. Et à l'Inter, c'est compliqué quand même. Voilà, il est international espoir, 20 ans. International ivoirien aussi, je crois. Oui, il a été sélectionné français, avec la Côte d'Ivoire. Enfin, moi j'ai international espoir français, mais ah bon, peut-être alors, il a peut-être fait les deux alors. Peut-être. Il est franco-ivoirien, donc c'est possible. Donc voilà, c'est vraiment. Après moi, il y a juste une interrogation. On a trois ailiers, on a deux ailes. Il y a un problème mathématique. On a quatre compétitions. Je vais te dire, on a quatre compétitions. Mais, non, mais il y en a forcément un des trois entre Kalou, Kamano et Caramo qui va jouer dans l'axe. On en reviendra dans l'après-match. Faites-moi y penser. On a vu beaucoup Kalou et Kamano permuter. C'est peut-être aussi. Mais une Kalou, solution Kalou a joué énormément dans l'axe. Moi, je l'ai souvent vu dans l'axe repiqué. Alors sur ces deux recrues qui sont tombées un petit peu, alors bon, on s'y attendait pas vraiment, c'est tombé comme ça, boum, cet après-midi. On s'attendait pas à ces noms-là. Bon, mais bon. Voilà, le recrutement. On espérait quand même qu'il y avait des recrues. On va pas se mentir, n'attendait plus rien jusqu'à minuit. Martin l'a dit tout à l'heure. On sait jamais. Il peut y avoir Paoletta à 23h50 téléportation. sauf grosse catastrophe. Mais c'était arrivé l'année de dernière minute. Et Paoletta, il me semble qu'il signe genre à 23h30. Paoletta, il signe à minuit. Oui, à pas minuit. Pas minuit parce que c'est hors délai, mais. Très tard, ouais. 23h58. C'est 23h58. Et le lendemain, il met un triplé à Nantes, ou trois jours après. Donc, messieurs. Pour la petite histoire, puisqu'on en parle, oui. Hein, le fax qui officialise le transfert est envoyé à la Ligue à 23h58. Voilà. Donc, deux minutes avant la clôture du mercato. Pour te dire si t'as. Et là, ton fax, il plante. Voilà. Ouais. Donc, autant te dire que Nicole de la Conta, elle était en train de stresser si le fax partait. Quoi. Je pense qu'elle devait pas être en super. Ouais, c'est clair que là, t'as la goutte bref, là, bref, à oui, maintenant on envoie des mails, on scanne, on envoie des mails. Mais voilà, bref, c'était pour la petite histoire. Donc, votre avis déjà, messieurs. Alors, il y en a qu'on n'a pas entendu encore, c'est Rémi et Adrien qui est arrivé aussi. Bonsoir, Adrien. T'as pas entendu. Je vous ai même pas présenté, les gars. Quelle honte. On a enchaîné directement avec l'invité, je vous ai même pas présenté. Je vous referai une présentation si on va sûrement faire une pause à 9h30, donc je referai une présentation. L'arrivée de ces deux joueurs, un gabarit costaud devant, un grand 1m93, le gars est un gaillard. Il a mis, alors si je dis pas de bêtises, il a mis sa petite quinzaine, si je dis pas de, alors faut que je vérifie les stats. Je crois que s'il a à peu près à 63 buts pour 215 matchs. Je crois que c'est 66 en 218 ou, ouais, t'as raison. Fait dans ces eaux-là, quoi. 1 sur 3, on va dire, grosso modo. Bon, après, c'est le profil que tu recherches, de toute façon. Un grand, costaud. Parce qu'on avait aussi l'autre du PAO, qu'on était dessus, là. Qui a joué en Ligue des Champions, mardi, je crois. Je sais plus son nom. Ouais, donc, après, Jovic. Donc, ouais, c'est le mec qu'il te fallait, je pense. Après, les lits, je connais pas vraiment beaucoup, donc je peux pas trop en parler. Bah, carrément, on le connaît un peu. Enfin, Cyril, je pense que vu que tu t'intéresses souvent aux jeunes. Même Cornelius, il a quand même fait une super Coupe du Monde avec, avec le Danemark. Il est titulaire. Devant Jorgensen et Dolberg. Alors c'était un joueur, moi, de souvenir à la Coupe du Monde, qui était ultra puissant, qui était très mobile et très très physique. Il va nous amener un petit peu ça devant. Quoi. Voilà, moi il me rappelle. Alors je vais faire une comparaison, un peu comme ça, un peu bête. Il me rappelle Chamakh. Vaillant, qui bouge beaucoup, qui remue les défenses, pas forcément grand buteur. Plus tanké quand même. Oui, non, mais en même temps, t'es en 2018, donc oui. C'est le Chamakh 2.0. Ouais, voilà. Nouvelle version. Et carrément, le dernier joueur français international qui arrive de Milan AC, qui arrive du Milan, pas de Milan AC, mais de l'Inter Milan. Donc Milan, c'était Johan Gourcuff, et il me semble que cette année-là, avec Gourcuff et Chamakh, ça avait bien marché. Ah. Non, mais, Donc on est champion. Allez, voilà. Tiens, André, on t'a pas entendu encore. Non, mais j'aime bien appeler Girondins un gratos football club. Ça veut dire qu'on fait toutes les opérations gratuites, des joueurs libres, des prêts, etc. Bah, si, heureusement, on a évité Modeste sur ce coup-là. Non, mais on aurait pu en plus. Mais, ouais, Caramo, c'est un bon coup. C'est une opportunité. On saura. Personne ne voyait on saura venir. Non, mais sur le terrain, si c'est un bon parce coup. Que c'est même pas sûr qu'il vienne directement en tant que titulaire. C'est un prêt. Bon, t'as peut-être une obligation qui joue un certain nombre de matchs, mais c'est pas sûr, c'est en fonction du contrat. Mais voilà, c'est vraiment pour pallier à une éventuelle absence sur les côtés. Et c'est surtout qu'une fois que t'as sorti Kalou et Camano, t'as qui sur les côtés? T'as de Préville et Youssouf. Donc voilà pourquoi Caramo. Pour jouer 4 compétitions, essentiel. Ça fait pas. Sans carré aussi, joue un peu à tous les postes. Tu peux jouer même le gardien. C'est pas lourd, quoi. Mais non, mais Caramo, ça me fait penser à quand on avait recruté Camano, sauf que Camano, on l'avait payé. Mais il aura une expérience d'un an à l'Inter, donc il se sera renforcé. Puis Cornelius, gratuit, enfin en prêt. C'est intéressant parce que t'es même pas obligé de l'acheter derrière. Non, et l'indemnité, elle est vraiment pas chère. Oui. 5 millions. 5 millions pour un joueur international. Oui, mais c'est 12 ou 15 millions. Mais même... souvenez-vous de l'indemnité de Braithwaite. Oui, qui était déjà à 8 millions. Mais c'est intelligent, disons que je tiquais sur le fait d'acheter un joueur de ce profil. Tu sais que dans un an, il sera sûrement revenu à sa forme. T'auras Alexandre Mendy, qui ce qu'il a montré était bon. Oui, mais tu fais quoi pendant un an? Juste parce que tu l'as pas connu, Ricardo, dont on parle comme potentiel nouveau coach des Girondins de Bordeaux. À l'époque, il jouait avec Darcheville et Chamakh en pointe, et c'était deux déménageurs. Donc, pour moi, Ricardo, il est capable d'aligner et Mendy et Cornelius en pointe dans un duo d'attaque. Oui, et oui, ça, c'est tout à fait que. Par contre, les deux défenseurs, je les pauvres. Je sais pas, vu qu'on parle de Ricardo, je vois mal encore. Mais après Ricardo, non, là, on n'est pas sur Ricardo. Parce que là, après. Sur le recrutement qu'on a fait, c'est clairement un recrutement pour jouer dans le 4-3-3 qu'on a. Et c'est ou 4-2-3-1. Ce qui est intéressant, c'est que depuis un an et demi, on a toujours le même schéma de jeu. Alors, il y en a qui s'en plaignent. Force est de constater que, sauf les 6 derniers mois avec Gourvennec, ce schéma de jeu marche. Ça rend nos ailiers efficaces. Donc, non, c'est un recrutement dit intelligent. Il n'y a pas de grand nom. Beaucoup voulaient Pedro. Il n'y a pas trop de risques. C'est sûr que Pedro, c'était un grand nom. Il y a deux mois, personne ne le connaissait. C'est ça, dire. Mais un grand nom. Les gens s'enflamment sur un truc, c'est le mal, il vient du Brésil. Ah, 17 millions, cette futur, machine. Parce que Pedro vient du Brésil, il danse. Oui, c'est ça. Alors, qui sur les recrues? Merci Adrien. Marc. Ben c'est très bien. Moi, je parlerai pas dans le sens. Merci. Où, non, mais si tu veux, en fait. Alléluia. C'est surtout qu'il en connaît aucun des deux. Mais bien sûr, j'en ai connu aucun des deux. Et arrêtez de me faire les experts de ceux qui connaissent ces joueurs. Les dernières fois que vous les avez vus jouer, ma grand-mère était encore vivante. Donc stop. Ouais. Bah, intéresse-toi à la Ligue 1 et tu connaîtrais Caramo. Caramo aussi, on l'a vu jouer. J'en ai eu plein qui m'ont sorti. Après, ah, c'est quoi cet attaquant? Ses stats, elles sont pourries. Sur Transfermarkt, il coûte que dalle. Mais c'est quoi comme analyse? Transfermarkt. Oui. Ah oui, d'accord. Enfin, arrive un moment, stop. On verra l'attaquant. En effet, il a pas les stats d'un buteur propre, mais on sait que c'est plus un buteur propre qu'on cherchait, mais plutôt quelqu'un qui est capable de faire marquer des buts. Voilà, aussi. Ou quelqu'un qui est grand la tête pour pouvoir avoir un tour de contrôle devant. On récupère les stats de Pungé. On le savait. Après, il y a pas de mystère. Kalou, personne le connaissait. Bon. Kalou, j'ai encore lu, ouais, c'est ça le remplaçant de Malcolm, et c'est quoi ce cher, etc. Et il a l'air, pour l'instant, depuis le début de saison, et ça sera confirmé, d'être plutôt adroit. Donc, on va voir sur la durée ce que donnent ces deux joueurs. Moi, je suis satisfait qu'on recrute un ailier supplémentaire, parce qu'avec la Coupe d'Europe et la qualification, je me trouvais beaucoup trop faible à ce poste. Mmh. Ensuite, pourquoi on est allé chercher de près? Est-ce que c'est réellement parce que on est dans une transition et que c'était juste insupportable de se mettre de mettre les deux clubs enfin les deux directions d'accord? Je suis très content de voir deux joueurs arriver. Personnellement, on pouvait les avoir qu'en prêt. Qui allait signer un contrat de X années sans savoir qui sera le coach demain? Aujourd'hui, on a quand même fait venir deux joueurs sans avoir d'entraîneur. Alors que le discours d'un entraîneur pour la signature d'un joueur est primordial. Donc, on s'aperçoit que les trois derniers joueurs qu'on a signés, ben, c'est trois prêts. Ça correspond à un joueur qui n'était pas forcément souhaité par l'ancien coach. Mais il est venu quand même. Et les deux autres arrivent au moment où on n'a pas de coach. Donc, ce mercato a été une grande blague pendant toute sa durée. Il est grand temps qu'il se termine. Et il se terminera dans 3h09. Donc, c'est très bien. Il va falloir qu'on passe vite. C'est un peu moins que... Je plaisante, c'est une blague, c'est une blague. Oh là là. Il va falloir live, vite que cette vente se termine, bien ou mal, mais qu'elle se termine, qu'on sache si c'est GACP ou si c'est M6. J'ai envie de dire, je préférerais que ce soit GACP, parce qu'au moins dans un an, on n'aurait pas à revivre ça avec une énième vente, puisque M6, dans tous les cas, va vouloir vendre. Donc pour moi, on peut pas garder une direction qui veut absolument vendre. J'espère que tout ce que nous a présenté Romain, grande partie soit pas vrai. Non, mais va s'avérer être une erreur d'analyse. Il nous parle de joueurs prêtés. Pour l'instant, il a raison. Maintenant, est-ce qu'elles sont prêtées parce que il s'agit de contretemps et d'une gestion différente? Ou est-ce qu'il s'agit réellement d'un manque d'ambition et d'un manque de moyens? Voilà, tout ça, c'est difficile. Vous pouvez réagir à l'antenne. Hein. Je vais donner la parole à Thibaut, mais 05 56 35 31 31 et sur le hashtag 56 35 31 31 et avec le hashtag DirectGA. Thibaut. Ouais, alors je vais pas non plus faire le voilà, je sais pas, enfin je connais pas suffisamment Cornelius pour parler. Concernant Caramo, les souvenirs qu'on en a de Caen, Cyril les a rappelés, donc voilà, je vais pas paraphraser. Bah simplement ce qui me bon voilà, on va pas s'étonner, mais on fait deux jours en prêt parce qu'on est les derniers jours du mercato. Oui, parce que ouais, c'est ça. Et que clairement les deux directions n'arriveront pas à se mettre d'accord sur qui va sortir les sous. Là au moins personne sort de pognon. C'est prévu dans le budget du club, ça sera ponctionné sur les plus-values des transferts qui ont été faits, donc voilà, il y a pas de lézard là-dessus. Après, effectivement, sur d'un point de vue effectif, c'est mieux de rajouter un ailier supplémentaire, comme tu disais, Marc. Là aussi, je reste d'accord. Mais est-ce que maintenant, puisque le mercato se termine et qu'on n'aura pas de recrues supplémentaires, est-ce que cet effectif-là est suffisant pour bien figurer en Ligue Europa et enchaîner en championnat? Bah ça, malheureusement, voilà, c'est ça reste quand même la grosse inconnue, parce que pour jeter un pont sur le sujet suivant, qui est certainement le match d'Europa League d'hier, il y a quand même des satisfactions. Kalou, Kamano aujourd'hui qui sont en forme avec les ailes. Parce même Pudge pas les. Voilà, les côtés. Enfin voilà, il y a quand même une équipe aujourd'hui. Et une ossature. Qui commence peut-être à prendre forme. Alors tout ça sous la houlette d'Éric Bédoué qui voilà a su aussi remobiliser les troupes. Mais est-ce que ça sera suffisant sur le long terme? Parce qu'on voit quand même que au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure que la saison s'approche, alors je sais pas ce qui va être après le mercato, mais il y a quand même un paquet de joueurs qui sont à l'écart aujourd'hui. Gaïc, Vada, Otavio. Non, enfin ils sont dans le groupe encore, je veux dire, mais t'as des Gaïc, Pennard, Koundé, non pas Koundé, Jovanovic, ben voilà, t'as plein de joueurs aujourd'hui qui sont. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait de tous ces, parce qu'on reprend ça. Eh ben c'est là, ça le problème. Qu'est-ce qu'on fait de. Mais c'est ça le problème. Donc après il va ces joueurs-là. Je pense que l'entraîneur qui va arriver, qui que ce soit, mais l'entraîneur qui va arriver va devoir prendre une décision sur que faire de ces joueurs-là. Donc est-ce qu'il va les réintégrer, est-ce qu'il va pas les réintégrer, est-ce que voilà c'est aussi la question parce que nécessairement, je termine là-dessus, mais c'est très bien qu'une compétition européenne ça bouffe de l'énergie, ça bouffe du temps, enfin de la récupération, et il va falloir aussi que ces joueurs-là et rentre peut-être aussi dans un roulement et dans un turnover plus ou moins grand. Oui, juste, Cyril. Sur le chat, oui. Pat, on n'oublie pas. Donc Pat dit que Caramo joue des deux pieds et sait jouer à droite, à gauche et au centre. Ouais. Moi, j'aime bien la réflexion de Chris sur le chat. Pourquoi Depré, mais surtout pourquoi Depréville? Oui, ça, je me retiens de l'affaire depuis le début. J'ai dit bon, allez, l'attente elle, pas. Elle est mignonne. Et Pat encore nous dit Cornelius est un joueur transférable à 3,5 millions. Il ne joue qu'avant-centre, un géant de 1m95. Il fait 1m93 et oui, il ne joue qu'avant-centre. Ça va nous apporter en tout cas, je trouve un petit plus dans un secteur où on est un petit peu, je trouve, faiblard. Je parlais le jour des coups francs, mais aussi de la tête, on est un petit peu. Je faisais une blague tout à l'heure sur les centres à Pungé, mais clairement aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un point d'ancrage dans la surface. Il a l'air plutôt adroit, ce garçon, de la tête. Si jamais on arrive à foutre un ballon à peu près correct avec un petit brillant qui tourne autour, par exemple, entre le 6 mètres et le point de pénalty, il y a forte chance pour qu'il y ait un grand blond qui soit à la chute du ballon. Moi, j'aimerais voir une association avec Jimmy Briand, par exemple, avec un Cornelius dans le rôle d'un Lasland et un Briand dans le rôle d'un Viltor, par exemple. Mais ça, c'est ouais, que après, mon envie. On sait très bien que 3, en ce moment, c'est beaucoup de nostalgie avec Ricardo de retour, mais bon. Non, ouais, peut-être pas Viltor de Lasland. On est d'accord. Enfin, voilà, on part dans l'objet. Si on part dans l'hypothèse que Ricardo est de retour à Bordeaux. Bon, on en parlera tout à l'heure de Ricardo. Exactement. Mais le jeu en lui-même de Ricardo et le système de jeu, moi je me semble pas l'avoir vu souvent utiliser le 4-3-3, même jamais. Donc il jouait, tu le rappelais, avec deux pointes devant et souvent c'était deux goals le got, voilà, bien physique, qui remuait les défenses. Donc à voir, parce que le jeu n'est pas non plus, et les joueurs du milieu de terrain notamment sont peut-être pas les joueurs adaptés aussi à ce système-là. Ricardo s'adapte aussi à une pauvreté technique. Bien sûr, mais on verra bien. Juste pour terminer, j'ai souvenir quand même, parce que Marc disait on les connaît pas machin tout ça, j'ai quand même souvenir de Caramo, et alors le nom m'est revenu, c'est pour ça que je me faisais souvent la réflexion en regardant les matchs, les résumés, tout ça. J'avais le souvenir moi d'un joueur qui se crée énormément d'occasions, mais qui à l'époque avait, à mon sens, un tout petit déficit dans la finition. Alors après, c'était il y a 2 ans. Il est jeune, il a encore le temps de progresser. Mais c'est peut-être le seul petit truc que je me faisais souvent la réflexion sur ce garçon. Je dis putain, quand même, le mec, il pourrait un petit peu. Et la confiance compte beaucoup. Sur... Regardez Kamano aujourd'hui qui à chaque frappe plante. Et il y a, vous prenez Kamano, il y a un an, là, après son action ratée à Nice, qui à 3 mètres des cages allumait les supporters. Exactement. Et pourtant, c'est le même joueur. Mais après, on peut aussi rater des occasions. On a des grands joueurs qui ont raté des occasions. Non, mais je te dis pas ça. Je te dis juste qu'aujourd'hui, la confiance, aujourd'hui, ça te fait 80% d'un joueur. Un auditeur au téléphone, Marco. Oui, alors, on a Pascal. Oui, salut les gars. C'était lourd. Bonsoir à tous. On a Pascal au téléphone. Bonsoir Pascal. On va revenir à la fin de son intervention aussi sur ce qu'a dit Romain. On va partir sur la venue. Ouais. Potentiel, puisqu'elle n'est pas encore officielle, de Ricardo. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, on a posé une question sur le sondage qu'on donnera le résultat lundi dans l'émission, puisqu'on l'a posté en début. On a posé pour l'instant la question: seriez-vous satisfait que Ricardo soit le prochain coach des Girondins de Bordeaux? Pour l'instant, on est à 51 oui, 49 de non, donc ça partage quand même bien les supporters. Quel est ton avis, toi? Moi, je suis pas favorable, hein, donc clairement, parce que d'abord, on fait pas du neuf avec du vieux. On l'a déjà vu. Il a fait du bon boulot à une époque où la priorité c'était pas de faire du spectacle, c'était de ramener du monde au stade. Il a eu des résultats. Il a fait gagner de l'argent au club en se qualifiant en Ligue des Champions, alors que le budget était dérisoire. Mais là, déjà, il n'est plus entraîneur. Il a eu des problèmes de santé. Il est directeur sportif. Reprendre ici dans un club à problème, même avec un adjoint comme Colter. Ah, attention, tu captes plus du tout. Je sais pas où tu es. Oui, si tu des petits problèmes de rebouger vers ta fenêtre ou aller dehors pour mieux capter, parce que là, je dois t'avouer qu'on t'entend très mal. Ouais, donc je disais que j'étais pas du tout favorable à ça, parce qu'on fait pas du neuf avec du vieux. Il a eu des problèmes de santé. Il est ensuite plus entraîneur, il est directeur sportif. Il est venu à une époque. Je suis à 300% d'accord avec toi, Pascal. Alors, j'aurais pas dit mieux. Est-ce que il est venu à une époque où la priorité c'était de remonter au classement, remonter sportivement. Bon, il a qualifié le club en Ligue des Champions alors que le club avait un budget dérisoire, donc en fait, ça a fait gagner de l'argent, ça a permis de construire une équipe après avec Laurent Blanc. Donc merci beaucoup. Là, la priorité est d'un 6 ces dernières années. Et surtout, depuis qu'il y a le nouveau stade, et surtout avec le nouvel actionnaire potentiel, ce serait plutôt d'essayer de recréer un engouement pour remplir le stade, parce qu'il est en vide. Après, pour moi, Ricardo, on lui fait quand même un gros procès d'intention, ce qui est celui de l'homme qui ne sait pas faire jouer ses équipes ou qui ne fait pas du beau jeu. J'aimerais juste qu'on remette Bordeaux dans le contexte où il les prend. On a une équipe totalement bidon où il a comme projet de repartir de la base défensive pour remonter jusqu'à l'animation offensive. Et surtout à l'époque, il se passe un transfert qui est au-delà de qu'on lui fait dans le dos, quoi. Clairement que Pavon lui fait dans le dos. Miku, clairement, il le voulait pas. On lui colle Miku et ça lui bouffe une partie de son budget, alors que lui voulait des Brésiliens. Mais c'était un bon choix au final. Non, mais c'est pas une question de bon choix. C'est à un moment donné, ça justifie aussi le fait que Ricardo, la deuxième année, il n'est pas fait forcément du beau jeu, alors que la première année, on s'y attendait tous. Tu passes de 15e avec Pavon, je crois, à 2e du championnat de France. Il fait un exploit, Ricardo. Alors, ok, c'était pas forcément plaisant, mais sportivement, c'est un exploit. Et derrière, il n'a pas les cartes. Et en plus, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait dans le championnat de France à part Lyon? Il n'y avait personne. Donc Bordeaux a facilement pu, avec un jeu restrictif, évidemment, hein, Pascal, terminer second. Mais aujourd'hui, mais ça reste quand même un exploit quand Pavon te laisse le club. C'est un exploit, oui. Mais aujourd'hui, dans le contexte de la Ligue des Talents là, de 2018, enfin bon, avec les quatre gros clubs. Est-ce que vous pensez que... Non, mais moi, je pense, honnêtement, Pascal, même avec Thierry Henry, tu finis pas dans les quatre premiers. Moi, en fait, c'est ce procès d'intention qui consisterait à dire que comme ça va être Ricardo, on va s'emmerder. Je vois pas pourquoi Ricardo se dirait demain, je ferme la baraque, je vais jouer. Parce qu'on l'a déjà vu, Marc. Mais non, mais tu l'as vu avec mais en fait, c'est ça qui c'est fabuleux. Parce qu'on n'a pas les joueurs. Un procès d'intention. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à regarder l'effectif qu'on avait quand il arrive, et l'effectif de cette année. S'il nous fait la même qualité de jeu avec l'effectif de cette année qui est meilleur que celui qu'il a eu quand il est arrivé dans les années 2000 à Bordeaux, là, je vais avoir un problème. Mais Ricardo n'a pas fait... Elle a quand même entraîné un bon paquet de clubs et n'a pas fait qu'un jeu stéréotypé à 10 derrière comme ça a été le cas quand il est arrivé. C'est quoi la qualité de jeu et le niveau de l'effectif de cette année? Tu le sais? Ouais, c'est entre la 8e et la 6e place, à mon avis. Oui, mais non, ça c'est un classement. Souvenez-vous du passage de Ricardo à Monaco, quand même. La qualité de niveau de jeu, c'est ce qu'on voit récemment. Mais que ça soit Ricardo, que ça soit Henry, que ça soit, c'est quoi les noms qu'on a eu, Conte, Ranieri, qui vous voulez, Blanc. Il va pas vous transformer des joueurs qui ne sont pas des top players en top players. Vous allez pas demander j'ai pas envie d'en prendre un parce que ça va faire encore genre j'en prends un pour taper sur lui. Vous allez pas demander à un joueur, prenez le joueur que vous voulez d'effectif, de jouer au-delà de ce qu'il sait faire aujourd'hui. Je peux pas demander à Maxime Pungé de se transformer en Hernandez. Je peux pas demander à Malcolm de se transformer, pardon, Malcolm, à Kamano de se transformer comme en. Je vais trouver son nom. Je vais pas demander à l'attaquant, dont j'ai déjà oublié le nom, je sens que ça va très bien se passer, c'est Cornelius. À notre cher attaquant de devenir Cavani. Un minimum raisonnable dans le. Oui, t'allais dire Giroud. Ça, il est capable. C'est vrai. Je suis un minimum raisonnable dans la qualité des joueurs qu'on a, et l'attente que je vais avoir de Ricardo dans son jeu correspond aux joueurs que je vois dans l'effectif. C'est-à-dire. Non, mais d'accord, mais il y a quand même une influence, quand même, un coach sur la façon de jouer. Mais arrêtons de croire que Ricardo, il a comme envie et comme influence d'avoir sur l'effectif juste un jeu défensif. Mais non, j'ai pas dit ça, mais bon, il y a une différence. Il y a une différence déjà, regarde. Même parmi les coachs. Pourquoi Ricardo ferait-il un jeu moins offensif que Gourvennec et Poyet? Moi, je veux la réponse à cette question. Non, mais pour Poyet, il faisait pas un jeu spécialement offensif ni défensif. Il y avait pas trop de tactique, hein. Mais personne ne fera un jeu offensif avec l'effectif actuel. Ou alors, on est sûr d'exploser en plein vol. Ça va durer 4 matchs. Et dehors, le beau jeu, c'est ce que nous apprenait Vira. C'est ce qu'apprenait Sagnol quand il arrive à Bordeaux. Le beau jeu, c'est de la merde en boîte. Ça ne veut rien dire. Le beau jeu, je suis désolé, c'est sorti par tous les philosophes du football qui consiste à dire que le beau jeu doit se pratiquer d'une certaine façon et que ça doit être des buts marqués. D'une certaine façon, mais il y a des différences quand même entre Mourinho et Guardiola, Adrien, à toi. C'est quoi le beau jeu? Il y a quand même des différences entre Mourinho et Guardiola, quoi. Je sais pas. Enfin, tous les coachs, à quel que soit le niveau, ont des philosophies, des idées différentes sur le jeu. On ne parle pas de Mourinho et Guardiola qui ont des effectifs, mais autrement que les Girondins de Bordeaux. Dis-moi comment on peut jouer avec les Girondins. D'accord. Avec celui des Girondins de Bordeaux. Non, mais voilà. Donc, on va pas faire un procès d'intention sur ce qu'on sait toujours pas ce que Ricardo fera. On enchaîne. Adrien. Non, mais ce que je disais tout à l'heure en disant qu'on a un effectif taillé pour 4-3-3. Poyet, avec toutes les qualités qu'il a, là où il a réussi à que sa vie marche vite, c'est que il y avait un sorte de schéma de jeu et de positionnement des joueurs qui était déjà mis en place. Il a juste repositionné certains joueurs à leur bonne place, mais Ricardo, il va arriver avec un schéma de jeu qui est déjà en place. Alors moi, je suis pas d'accord avec toi sur le 4-3-3. Aujourd'hui, tu as un déficit à la création au niveau de milieu de terrain. Et justement, ça te pénalise par rapport à ton 4-3-3. Le fait de te retrouver qu'avec trois milieux défensifs dans ton trois milieux, ça pose un réel problème. C'est un réel problème. On n'arrête pas de le dire, mais forcément. Tu te rends compte, Adrien, ça veut dire que sur tes 11 joueurs de départ, tu n'en as que trois qui potentiellement peuvent créer des situations offensives. Tu dis trois comme ça, mais je te rappelle que les latéraux doivent apporter dans l'allant offensif. Oui, ça c'est la théorie. Quand vous regardez Palencia, c'est ce qui permet. Pungé aussi. On a Sabali qui arrive. Je suis désolé, on a un schéma de jeu Relais au milieu créatif, tes ailes, ils ne te servent à rien. Il y a quand même le décalage. Le jour où les deux offensifs ailiers excentrés sont bloqués, par quoi passe le jeu? Qu'est-ce qu'il y a dans l'axe pour faire du jeu, pour créer des décalages, pour faire les passes? Son meilleur joueur technique du milieu de terrain aujourd'hui, c'est Sankaré. Celui qui fait piston entre le milieu et l'attaque. Je sais pas. Non, mais aujourd'hui, regarde, t'as pas Sankaré sur la feuille de match. Quand t'as des équipes qui sont regroupées, alors je parle pas d'hier parce que la Gantoise c'était autre chose, mais des équipes qui jouent plus ou moins défensif, t'es bloqué. Une fois que tu as bloqué Kalou ou Youssouf sur l'aile droite et bloqué et contré les montées des latéraux ou de Kamano, t'as neutralisé le jeu de Bordeaux. Mais là, en 4-3-3 aujourd'hui, c'est ça. Là où le recrutement de Cornelius est intéressant. Alors je sais, dans l'idée, c'est pas ouais, c'est. Alors Cornelius, ça vient d'être officialisé par le club il y a 5 minutes. Vu qu'on à chaque fois on dit oh, ça y est, quand on n'a pas d'idée, on balance devant. Force est de constater que c'est hyper utile, surtout quand t'as des joueurs derrière au second ballon qui ont un impact tel que Lerager, Tchouaméni, Sankaré, et qu'on a très bien su faire hier soir. Oui, et Briand qui est arrivé alors qu'il n'a pas un énorme physique. Mais... Pour moi, ils ont développé, les dirigeants, un projet de jeu avec l'entraîneur qui est un jeu de transition parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir du talent au milieu parce que ça coûte cher. Donc, on vise des attaques rapides, mais c'est pas du tout un jeu de possession comme avait par exemple Laurent Blanc qui va nous permettre de nous mettre en sécurité dans le jeu et de faire du jeu. Et c'est comme ça quand même que Blanc a eu des résultats en plus de la manière par rapport à Ricardo. Donc, si vous voulez retrouver ce genre de jeu, ça sera pas possible avec Ricardo. Ce sera forcément encore pire que ce qu'on a aujourd'hui, un jeu de transition basé sur une non-possession de balle et des attaques... Voilà. Mais alors après, le football depuis l'époque Blanc a changé et beaucoup se sont plaints. Par exemple, on va prendre une équipe qui avait un jeu de transition rapide, etc. De l'équipe de France. Mais moi, excuse-moi, je préfère voir un match de l'équipe de France où t'as beaucoup de buts, ou un match comme a fait Bordeaux, toute proportion gardée. On le sent dans tes pronos d'ailleurs, Adrien, que t'aimes bien les matchs où il y a des 3-3. Des fois, tu nous fais des 4-2, des 4-4. C'est le jeu de possession aujourd'hui dans le football actuel est très risqué. Mais oui, mais regarde la Belgique quand elle a un jeu. Non mais oui, elle a perdu contre la France 1-0. Mais regarde la Belgique, le jeu qu'ils ont eu, ils ont été reconnus et encensés comme étant la meilleure équipe jouant le plus beau jeu de la Coupe du Monde. Elle joue avec des joueurs comme Eden Hazard au milieu. C'est un mec qui va éclairer le jeu et en plus percuter dans son rôle de boxe-boxe. Mais il va éclairer le jeu, faire les passes. Ça manque quand même au milieu de terrain de Bordeaux, ça. Oui, mais c'est pas le même schéma de jeu, mais force est de constater, par exemple, hier soir en Coupe d'Europe, ce 4-3-3 marche. Mais ouais, mais tu vas le garder pour après aussi. Arrête de revenir à chaque fois, on parle de Ricardo, mais parle pas d'hier soir. Enfin voilà. Bah oui. Il y a eu la comparaison entre Blanc et Ricardo. Juste pour rappel, Blanc a quand même récupéré tout ce qui avait été mis en place par Ricardo. Et il fait venir Gourcuff, il fait venir Diarra, il solidifie les bases et il fait venir un meneur de jeu quand même. Il profite Ricardo. Blanc veut Gourcuff, on lui ramène pas Ziani. Hein. Karim Ziani par exemple. Tu vois, à un moment donné, il faut aussi être juste avec Ricardo. C'est-à-dire que Ricardo veut des joueurs, on lui ramène l'exact opposé. Donc, si on aurait fait exactement la même chose avec Blanc, il serait parti au bout de deux jours. Je viens de réaliser. Blanc n'avait pas le caractère à se laisser faire. Il voulait imposer ses idées avec son agent et ses joueurs. Alors que Ricardo, il a été empêché plus ou moins. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti, parce qu'il a eu l'opportunité monégasque avec plus de moyens, mais ça n'a pas marché non plus. Mais Blanc, il ne se serait pas laissé imposer des joueurs qui l'auraient empêché de mener son projet de jeu. Et c'était l'entraîneur à pouvoir un projet de jeu. Excusez-moi. Oui. Pour terminer, Pascal, est-ce que tu as le sentiment que, allez, bon, alors, l'autre jour on était sur Thierry Henry, maintenant on va revenir sur ce qu'il a dit Romain tout à l'heure aussi. Donc si tu comptes. Ah, pardon. Juste un mot sur le profil de l'avant-centre d'1m92 là qu'ils vont recruter. Quelle équipe du top 4 du championnat de France de Ligue 1 joue avec un joueur qui a un profil comme ça aujourd'hui? Bah en même temps, les équipes du top 4, Pascal, on va pas se mentir, on peut pas vraiment les comparer à Bordeaux. Enfin, je veux dire, à part peut-être Marseille et encore. Je veux dire, Non, mais Marseille avec Mitroglou, mais bon, là, parce qu'ils avaient pas le choix, pas Nipaï. C'est vraiment les seuls. Mais autrement que ce soit Monaco avec Falcao, un petit gabarit, que ce soit même Germain à Marseille, que ce soit Cavani, c'est pas un nain quand même. Non, mais il fait 1m85, c'est pas un mètre de 1m92, c'est pas du tout la même utilisation, c'est pas un pivot. Bon, bref, quelle équipe joue du top 5 en France joue avec un jeu classique avec des débordements de latéraux sur des centres pour avoir un pivot de latéraux. Balotelli et jouer ce bon ballon? Non, il y en a aucun. Oui, Balotelli, c'est un mec qui a quand même une technique exceptionnelle et qui joue pas comme ça. Après, enfin, c'est toujours pareil. On va aller chercher des mecs exceptionnels avec un physique exceptionnel. Après, faut peut-être pas non plus généraliser. C'est pas parce que les autres ne le font pas que c'est une mauvaise idée de le faire ou que c'est une mauvaise. Alors peut-être ça marchera pas. Et dans ce cas-là, ils le font pas. Pourquoi? Parce que c'est quand même toujours par la valeur technique que se créent les décalages, les occasions. Et c'est pas par la puissance physique aujourd'hui dans le football, quoi. Pascal, ça fait juste 3 ans qu'on demande un 9 puissant pour caler les ballons. Ça fait 3 ans qu'on l'attend. Enfin, on a ce profil-là. Donc, ça fait pas 3 ans que j'attends un 9 puissant. Ça fait 3 ans que j'attends un buteur. Nuance. Un mec qui met un buteur. On est incapable aujourd'hui d'acheter un buteur. Tu sais combien ça coûte un buteur? Oui, ben oui, mais bon, après, il faut faire ce qu'on peut aussi. Oui, non, mais à un moment donné, il faut aussi être réaliste avec, avec la valeur du club. Aujourd'hui, les Girondins de Bordeaux, on verra bien si c'est un succès, hein, Cornelius ou. À un moment donné, il fera pas Paoletta, quoi. Il mettra pas 25 buts. S'il en met 10, 15, déjà, ça sera bien. Allez, 12. Allez, à 12, moi, je serai content. Mais moi j'y crois pas trop, hein, voilà. Moi je crois pas parce que sinon bon ben on le saurait et puis d'autres clubs qui marchent bien l'auraient fait. En France il y en a pas. Donc que ce soit Monaco, Paris, Lyon ou bah Lyon, vous avez vu comment ça s'est passé l'an dernier, quoi, les attaquants qu'ils avaient, Mariano Diaz, il fait pas 1m95, Traoré non plus, hein, Fekir non plus, enfin tous les attaquants, bon ben voilà, ce sont pas des grands gabarits. Donc le jeu de fixation avec des ailiers, encore faut-il avoir des mecs qui débordent des latéraux comme. J'ai des doutes pour avoir des centres, mais voilà, c'est un jeu ancien, ça c'est plus. Les défenses, elles savent déjouer ce genre de truc. Marius Trésor le disait d'ailleurs, il disait mais je préférais 100 fois quand j'étais joueur avoir à défendre sur un grand gabarit plutôt que sur un mec plus petit qui me filait entre les jambes, genre le football n'est pas le même, et passons à autre chose. Tu voulais conclure sur l'intervention de Oscar Di Romain tout à l'heure, et puis on se terminera là-dessus. Ouais, mais par rapport à ce qu'il disait, je voulais revenir un petit peu sur le pourquoi, d'après vous, cette nébuleuse qu'il y a au niveau des agents et tout ça, quand il disait, Romain, il y aurait trop de monde à corrompre avant de pouvoir reprendre un club comme Bordeaux, pour un autre repreneur, là. Il citait son Thaïlandais, je sais plus comment. Pourquoi est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ici? Allô? Attends, mais déjà, ses propos, ça n'engage que lui. Nous, on n'a aucune preuve de ça. Et pourquoi c'est comme ça, on n'en a aucune idée. Ça, franchement, on n'est pas... Alors là, pour le coup, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est que... Là, franchement, on n'est pas dans ces secrets-là. C'est ça qu'il faudrait comprendre pour comprendre pourquoi le club fonctionne comme ça. Et pourquoi, donc, il ne fonctionne pas. Parce que le club ne fonctionne pas. On le voit au niveau du recrutement. Je t'invite le club étant vendu, je pense que ça n'a plus trop d'intérêt. À moins que la vente échoue, dans tous les cas, le club va changer. Donc, j'ai jamais compris pourquoi M6, donc de Taverneau, pourquoi il avait jamais structuré le club sportivement de façon à faire en sorte que le club fonctionne. Pourquoi il a laissé ce fonctionnement-là? Parce que j'ai l'impression que. S'il avait fait venir des personnes compétentes dans le domaine sportif, s'il avait fait venir un directeur sportif de haut niveau, comme avait toujours demandé Trio, lui au contraire, Trio refusait toujours, c'est plutôt ça. Parce que s'ils avaient fait rentrer le loup dans la bergerie, ça n'aurait pas pu tenir une semaine. La plupart des agents qui ont parlé de Bordeaux l'ont dit, ça. Oui, après il y a des forcément d'ailleurs Christophe Hutto qui fait partie des agents français influents ou ayants récemment dit aussi qu'il y avait des problèmes, des dysfonctionnements structurels à Bordeaux. J'invite les personnes qui sont au courant de tout ça à nous en dire plus, on était aussi pris par le temps, donc on n'a pas pu développer que ça va être un sujet sur lequel il va revenir dans ses vidéos ou dans ses livres, donc il faut pas se leurrer quand même. Qu'est-ce qui fait qu'un club fonctionne ou ne fonctionne pas, gagne de l'argent ou gagne pas d'argent, a des résultats ou n'en a pas? C'est quand même le recrutement, le truc, le nœud du problème, c'est le plus important dans un club de football. On va te remercier. C'est le plus important. On va faire la pause. Merci. Merci Pascal. Bonne soirée à toi. Et puis écoute, t'es bienvenue dans l'émission quand tu veux. Il y a pas de souci, avec plaisir. Bonne suite d'émission à vous. Merci à toi. Merci. Pascal. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. On va donc faire une petite pause. On n'a pas l'habitude. Normalement, on est censé finir l'émission dans le nouveau format à 9h30. Mais comme il y avait beaucoup d'actu à traiter ce soir, on va déborder un petit peu. Et c'est pas bien grave. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit comme Camano. Ah. Ok. On va donc faire une petite pause d'une petite de 10-12 minutes. Et puis on terminera l'émission par le match d'hier. C'est une pause syndicale, ça. On a raccourci un petit peu. On a enlevé des jingles et des trucs, du coup c'est plus court. On va faire une pause, quoi. On va faire une pause. On se retrouve donc juste après. On parlera du match d'hier. Il y a pas mal de trucs à dire. Du tirage au sort. Alors on va pas extrapoler tout de suite parce que on connaît peut-être pas bien non plus nos adversaires, et on parlera du match de dimanche à Rennes pour la 4e journée de Ligue 1. Voilà, on marque une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants dans Gironde Analyse, RIG 97.7 FM et RIGFM.fr. À tout de suite. Retour dans Gironde Analyse, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr et Gironde33.com pour écouter l'émission. Vous allez sur le petit onglet Gironde Analyse, écoutez déjà. Vous pouvez même rejoindre le chat et rejoindre nos amis chatteurs du soir. Vous pouvez nous joindre évidemment 05 56 35 31 31 pour participer avec nous à cette deuxième partie d'émission, on va dire semi-exceptionnelle. Elle est pas vraiment exceptionnelle, mais vu qu'elle dépasse un petit peu, elle est semi-exceptionnelle. C'est un nouveau concept. Juste Thibaut qui va vouloir redire ce qu'il a dit. Alors vas-y Thibaut, ça me permettra de gagner du temps pour préparer le jingle suivant. Si jamais vous pouvez écouter le podcast, je vais me permettre juste de refaire. Et n'hésite pas à être long. Un petit rappel. Tout à l'heure, nous avions comme invité Romain Molina, puisqu'apparemment, je suis le juriste de cette émission. Bah, t'es le seul qui a un minimum de ouais, de donc juste pour dire que juste pour dire que voilà, les propos qui ont été tenus par Romain Molina, évidemment, n'engagent que lui. On a fait un débrief. Sont sous sa propre responsabilité. Comme on l'a rappelé dans l'émission, on espère que pour lui qu'il a les preuves de ce qu'il a avancé. Je vais pas répéter parce que j'ai pas envie voilà de répéter ce qui a été dit, mais vous irez écouter le podcast, vous verrez bien ce qui a été dit après voilà. Donc j'espère qu'il a les preuves de ce qu'il avance. Il y a pas de raison qu'il avance des choses, voilà, il a pas de preuves. Mais on part du principe qu'il les a. Mais moi je voilà, en tant qu'animateur de l'émission et de manière collégiale, on voulait juste rappeler que voilà, les propos qui ont été tenus à l'antenne par monsieur Molina, voilà, n'engagent que lui et sont sous sa responsabilité et en aucun, enfin moi en ce qui me concerne, je ne partage pas évidemment certains et voire même 90% des propos qui ont été tenus. Alors, il était important de le préciser. Chat, oui. Qui demande c'est quoi le groupe de rock qu'on entend à chaque reprise. Marc, fais-toi plaisir, c'est pour c'est toi. C'est Blackstone Cherry. Un petit point, donc vous pouvez retrouver sur sur une plateforme de vidéo en ligne. Exactement. 45e. Et on parle pas de. Enfin, non, c'est pas encore l'heure. Pardon. On est dans les arrêts de jeu entre Lyon et Nice. C'est toujours 0-0. Il y en a quelques d'entre vous qui suivent un petit peu ce qui se passe. Avec le réseau qu'on a, ça va être. Oui, c'est vrai que ça. Oui, alors c'est vrai qu'en ce moment, je crois qu'il y a un truc sur Blanquefort parce que même moi au boulot, c'est n'importe quoi. Il y a plus rien. Il y a la foudre qui est tombée. Donc, tout simplement, je pense qu'il y a une des antennes relais. On est dans le même coin. Il y a que. Regarde-le, lui. Bon, apparemment, Cyril a une onde positive qui est sur lui. Si tu veux, il y a que lui qui capte. Tu dois avoir peut-être un truc, Cyril. Je sais pas, t'as pas un capteur intégré, un wifi intégré sur toi? Non, c'est juste que comme je suis sage, tu vois, j'ai droit au bon point. Au wifi, c'est clair. Messieurs, on va enchaîner. Ouais. Attends, je regarde si parce qu'il y a de la Ligue 2. Est-ce que notre ami Mancini joue ce? Où est la JOCR? Je ne les vois pas. Si OCR, ouh, bah ça va pas bien, dis donc. OCR, il menait 2-0 par Brest à domicile à la 77e minute. Sur le terrain. Oh, bah, il l'est depuis le début de saison. Donc je vois. Ok, bon, enfin, on verra ça plus tard. Il ne serait pas. Mais visiblement. Et Nancy. Ah, et Nancy Didier Tolo, l'AS Nancy Lorraine, je te dis ça de suite, faut que je les trouve dans le truc. Ils sont menés 1-0 à Châteauroux. Et il reste un petit quart d'heure. C'est quoi leur cinquième défaite là d'affilée? Ah, c'est possible. Ouais. Faire le grand chelem. Hein. Pour l'instant, c'est bien très, parti. Très très compliqué. Après Nancy, voilà, ils ont recruté aussi pas mal de joueurs, donc ils se sont fait éliminer cette semaine en Coupe de la Ligue. Ils ont au penalty, alors ils ont pas eu vraiment de bol. Ils se sont fait sortir au péno par c'était qui? Nancy. Je me demande si c'est pas Béziers ou un club un peu bizarre comme ça. Ils se sont fait éliminer. Oui. Alors juste pour faire le point sur le petit sondage qu'on a posté, donc qui est ouvert jusqu'à lundi soir, le début de l'émission. On donnera le résultat final lundi. Faudra y penser, les mecs. Seriez-vous satisfait que Ricardo soit le prochain coach des Girondins? Pour l'instant, ben c'est le nom qui est passé devant le oui, 51-49. C'est quand même très très serré. Il y a beaucoup de votes. Résultat, on a 240. Ah bon, ça fait. Attends, je vais retweeter. Il a été posté à 20h07. Donc c'est un peu moins d'une heure. C'est voilà. Juste que aussi, faut rappeler, comprendre là, aussi la déception. Tu passes de Henry à Ricardo, même si on aime bien Ricardo. Passer de Thierry Henry à Ricardo, la chute est dure. Mais on avait prévu. C'est-à-dire que si on avait chuté de Henry à Beckham. Pourquoi pas, mais de Henri à Ricardo, bon. Il est champion du monde aussi, mais bon. C'est ça. Alors, messieurs. Attends, sur Ricardo, Dominique Balif, qu'on avait eu pour Ottavio, nous a dit que. Enfin, a mis que c'était pas encore fait. Ça veut dire qu'il. Oui, alors on précise. Il est encore dans le groupe. Enfin, tout comme Thierry Henry, il n'y a rien. Oui. Stéphane Martin a annoncé tout à l'heure sur RMC qu'on aurait peut-être le nom d'ici mercredi. Puisqu'il a annoncé. Il est encore en activité avec son club au Brésil et là, il doit décider. Voilà, c'est pas il a encore dit oui ou non. Et imaginez si on nous ah bah non, finalement ça sera pas lui. Allez, on est reparti deuxième, sur deuxième un deuxième de la saison. Ah, on est reparti là sur un deuxième cycle. Ce sera Arsène Wenger. Oui, on peut alors à la limite on peut voir ça sous l'angle positif. Le bad buzz sera pas pareil. Oui, voilà. Ce sera même c'est un bon buzz. Le buzz sera un petit peu différent. Bien, messieurs, on arrive à quand même ce qui était l'événement de la soirée d'hier. T'as petite la musique, musique. J'ai la petite musique de l'Europa League. Si le CD veut bien marcher, plus ou moins, ça va. Oui, c'est la nouvelle musique. C'est le nouveau, la nouvelle ça, musique le son de. Juste dégueulasse. Hein? Coupe ça, le son est juste dégueulasse. Faut changer le CD ou changer. On va changer le lecteur, je pense. On va investir. Ouais, acheter la radio. J'aime bien si tu nous écoutes. Puis racheter un micro rouge aussi. Non, mais même juste le CD. Mais là, tu peux couper. C'est juste horrible. Bref, c'était la nouvelle petite musique. C'était sympa. Bref, donc hier soir, messieurs, match retour, les Girondins. Oui, Cyril. Une info transfert, une info mercato. Non. C'est juste que il y en avait posté. Quel était votre top en collégialement on a trouvé que toute l'équipe avait été bonne, donc on n'a pas pu ressortir de top dans l'équipe. C'est vrai que là c'était compliqué. Donc du coup il y a pas mal de monde qui se sont exprimés sur le chat. Il y a même Pierre Ducasse qui a répondu, qui lui a répondu le regard. Donc on le salue Pierre. Salut Pierre. Évidemment beaucoup de Calou, beaucoup de Palencia, beaucoup de Camano dans les réponses. On vous invite quand même à continuer à nous répondre. Donc voilà. Alors, messieurs, merci Cyril. Hier soir, donc, les Girondins de Bordeaux ont battu la Gantoise 2-0. Des buts de François Camano, je crois que c'est au quart d'heure de jeu, ou à la maintien, mais un penalty de Jimmy Briand. Une équipe à l'identique par rapport à celle qui a battu l'AS Monaco dans les arrêts de jeu dimanche après-midi en Ligue 1, à une exception près, évidemment, puisque le petit Koundé était suspendu, a été remplacé par Igor Levchuk. Sinon c'était strictement la même équipe. Voilà, Bordeaux n'a pas tremblé, Bordeaux ne s'est pas fait peur. Après le match aller, on était tous un petit peu inquiets, parce que on va pas se mentir, hein, si la Gantoise se fait éliminer hier, c'est à mon avis c'est à 90% dû à leur non efficacité au match aller, parce que s'ils concrétisent ne serait-ce que la moitié des occasions qu'ils ont à l'aller, le match d'hier il est complètement différent. Entre-temps, il y a eu Monaco. Ils ont des situations quand même en première mi-temps, oui. Les Belges. Mmh. Alors, c'est pas vraiment des actions. Ouais, c'est des situations. Ouais. Mais il y a quand même 2-3 fois où ils pourraient être dangereux. Je me demande s'il n'y a pas une frappe, une espèce de centre qui tape l'arrête aussi à un moment donné. Je crois que Costil dévie sur l'arrête. Ouais, l'arrête. Il y a une frappe qui est contrée aussi. Mmh. Non, mais après, c'est vrai que déjà, si on revient un peu sur le contexte, Bordeaux se présente donc aborde ce match-là avec un. Alors certains ont dit un avantage parce que jouer à domicile 0-0, voilà, mais on avoue qu'on se faisait tous un peu dessus quand même, hein, on n'était pas non plus hyper serein, hyper facile, enfin je pense. Effectivement, on annonçait un stade donc plein, ça, je pense que sincèrement, et je pense que ça a aussi eu sa part de ça a aidé à faire la décision aussi. Ah, une ambiance, mon pote, ça fait un moment. Voilà, peut-être qu'on en reparlera après de l'ambiance, mais oui, sur le jeu, j'ai trouvé les Girondins, on a enfin trouvé des joueurs qui se sont comportés en équipe. Alors sans forcément non plus s'emballer, mais disons qu'ils ont été à la hauteur de l'enjeu. À savoir aller chercher cette place en Europa League. Pour ça, il n'y avait pas de calcul à faire. Il fallait battre la Gantoise dans tous les cas de figure. Alors, je sais qu'Éric Bédoué a beaucoup insisté sur la récupération, mais aussi la préparation mentale, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs des jeunes joueurs qui abordaient ce match-là. Palencia qui c'était la première fois qu'il a évolué à un tel niveau. On avait Tchouaméni, enfin il y avait des joueurs voilà qui avaient besoin aussi d'être rassurés, d'être peut-être conditionné pour jouer ce match-là. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans les premières minutes du match, où on a Plasil qui prend un carton jaune assez bête. Et l'arbitre, il a dégainé en début de match. Voilà. Ouh. Et Tchouaméni aussi est averti. Ouais. Et de suite, je sais pas si vous avez vu cette image-là, mais quand Tchouaméni est averti, on a Plasil, en 1, et on a ensuite, le Camano, qui viennent le calmer directement, et qui lui disent de rester en son match. Et moi, il y a une chose qui m'a frappé aussi, c'est que, beaucoup de, chaque situation, on parle toujours de Plasil, Papy, machin, qu'est-ce qu'il fait là sur le terrain, etc. Et moi, j'ai trouvé que sa présence sur le terrain, a été rassurante aussi pour pas mal de joueurs qui, on cherchait aussi conseil pas mal. Et ensuite, bon, on a eu des prestations individuelles qui ont aidé fortement, hein. Bon, Kalou qui est sur sa dynamique avec son pendant sur le côté gauche, Camano. Et puis voilà, les arrières latéraux, on en a un peu parlé tout à l'heure aussi, qui ont aidé et participé à ce, et surtout pour moi la pièce maîtresse, je pense, de ce match, c'est les Ragueurs. Quelle passe sur le but de Camano, même au-delà de la passe, mais qui a su hausser son niveau de jeu et qui, pour une fois, au-delà de l'aspect physique, purement physique, voilà, c'était pas non plus Messi, hein, mais je veux dire, il a quand même fait des choses très intéressantes. Mais voilà. Finalement, messieurs, puis après je vais donner la parole à Cyril. Et Tchouaméni qui a été sublimé de toute façon, voilà, par le milieu. Mais juste pour terminer là-dessus, ouais, après je laisse la parole. Je pense qu'il y a 50% du travail qui a été fait par Bédoué, et je pense que la qualification d'hier et le redressement des Girondins de Bordeaux depuis la fin de, voilà, alors après c'est provisoire, on va pas non plus s'emballer en disant que Bordeaux finira 5e ou 3e du championnat ou gagnera la Ligue Europa, mais je pense que ce mec là a fait 50% du boulot hier soir. Il est d'un calme olympien sur le but, enfin c'est sur les buts, sur le banc, il est vraiment jamais été un démonstratif non plus. Et franchement, pour un serviteur de l'ombre, il mérite, mais je pense, 1000 fois le respect éternel de tous les supporters. Il a été longuement il commence à apprécier ça, j'ai l'impression. Applaudi par le virage à la fin du match. Je trouve qu'il commence à apprécier le fait de. Est-ce que tu crois que ça se passe bien? J'allais te dire, est-ce que tu crois que plus le temps va passer, plus peut-être Ça le sort de sa routine, Monsieur Bédoué, c'est quand même quelqu'un qui ça fait, il a ses habitudes, voyons, il a ses rituels. C'est pas quelqu'un qui aime la lumière. Après, peut-être que s'il est obligé, il prendra peut-être un peu plus ses marques, il sera peut-être plus à l'aise. Et après, c'est un entraîneur, faut pas oublier non plus qu'à la base. Et voilà, à la base, c'est son métier. Il a quand même ses diplômes, ce monsieur. Oui, oui. Il est pas sur le banc. Après, c'est vrai qu'il est plus à l'aise dans son rôle d'un petit peu de l'ombre. En fait, ce qui est intéressant par rapport à Bédoué, c'est que au-delà de l'aspect tactique, parce que, enfin, Bédoué, ça a jamais été un entraîneur sur une saison. À Bordeaux en tout cas, il a jamais entraîné, il a jamais pris l'équipe en juin pour la mener en juin de l'année suivante. Ça a toujours été un homme de quand il est venu s'asseoir sur le banc, c'est parce qu'il est arrivé dans un contexte de crise. Et c'est aussi une des forces des Girondins de Bordeaux de pouvoir compter sur des gens comme ça qui sont prêts en fait à mettre les mains dans la merde clairement et redresser les hommes. Et en fait, Bédoué. Et ça, je c'est pas une info que je lâche, mais c'est moi mon analyse personnelle. Je pense que il passe beaucoup plus de temps à discuter dans les contextes comme ça, à discuter avec les joueurs, à essayer de les mettre en confiance, à essayer de trouver des ressorts psychologiques, parce que je sais qu'il a aussi beaucoup travaillé là-dessus outre la préparation physique, pour essayer de trouver des ressorts plus que des il est quand même capable de se passer de son carré. Oui, quoi. Parce qu'il a rien révolutionné footballistiquement. Surtout, et surtout, il va jamais couler un joueur qui est mal. C'est-à-dire que ce qu'il a fait avec Depréville, c'était vraiment le. C'est une approche particulière, voilà. Mais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui mise sur l'homme avant de miser sur le joueur. Mais ça marche que si tu es dans une position d'intérimaire. Mais ça peut pas marcher sur. Faut le dire aussi, Bédoué, c'est un papa dans le groupe. Mmh. Il est très aimé des joueurs. Je sais que Diabaté adorait Bédoué à l'époque quand il était au Girondins de Bordeaux. Je sais qu'en équipe de France, il était aimé. C'est quelqu'un d'attachant. C'est vraiment l'éducateur comme on a connu. Il a un petit peu ce rôle-là au Girondins, quoi. Et comme Thibaut disait, on peut pas dire que depuis qu'il a pris les rênes, c'était contre Strasbourg. Toulouse. Sur Toulouse. Toulouse. On peut pas dire qu'il ait révolutionné l'équipe en termes de schéma tactique, de façon de jouer, machin. C'est juste, comme disait Thibaut, je pense, travailler peut-être un peu sur le psychologique, un peu beaucoup sur la confiance en soi, sur la prise de risque, sur peut-être tenter, certains joueurs tenter peut-être prendre plus leur chance, certains peut-être s'enflammer un petit peu moins. Alors, en dehors du fait qu'Alou hier, alors je sais pas si c'est parce qu'il jouait face à son ancien club, il a déjà montré des belles choses à Toulouse. Mais alors là, le mec te fait un match, mon pauvre, mais il a volé sur ce match-là. Enfin, c'était impressionnant, le mec sort sous une ovation du public, son nom qui est scandé. Enfin, franchement, le après, type est... quand tu dis effectivement, enfin après c'est je suis en train d'oublier ce que je voulais dire. Ouais, je suis en train d'oublier clairement. Bah, c'est pas grave. Tiens, Adrien, ou Rémi, ou Marc, on vous a pas entendu. Hier, Bédoué, enfin sur le match aller-retour, c'est vrai qu'il a une grande part de responsabilité. Le match aller était risqué, et il avait clairement fait comprendre qu'il fallait défendre aux joueurs, et les joueurs l'ont dit derrière. C'était risqué, et puis après hier il a réussi un coup. Alors c'est passé un peu inaperçu, mais c'était très très intelligent de mettre Tchouaméni à la place de Sankaré, parce que il savait que t'allais avoir tes joueurs offensifs qui allaient être très haut, tes deux ailiers, et pour leur laisser plus d'espace et tout ça, Tchouaméni était parfait dans ce positionnement plus bas, mais à la récupération du ballon, voilà, dans le camp, etc. Alors que Sankaré, on sait que dans la transition, dans une équipe regroupée et tout ça, il peut être utile, mais pour défendre, c'est compliqué. Donc Tchouaméni hier a fait un super match et a rendu la confiance à Bédoué. Et c'était ça, pour moi, c'est ça le gros coup qu'il fait, Bédoué. C'est le positionnement de Tchouaméni. C'est là où notamment Bordeaux gagne le match. C'est dans ce positionnement et sur le match aller et le match retour. Et là, c'est l'expérience qui parle, hein, vu que Bédoué, c'est une sacrée expérience. Et sur ce match de Coupe d'Europe, c'est lui qui a fait un gros... Marquinhos. Non, j'ai une question pour Adrien. C'est quoi le positionnement extravagant de Tchouaméni, mis à part l'avoir mis à son poste? Non. Tu le mets à la place de Sankaré. C'est-à-dire que t'as mis l'équipe qui a gagné contre Monaco. Ok. D'accord. Bon, ce qui était plutôt logique, hein. Une équipe qui met 2-1 à Monaco, si tu la remets pas le jeudi, On aurait pu être tenté de revoir Sankaré, oui, parce que c'est quand même lui qui est censé être titulaire. Sankaré au match, mais non. Sankaré au match aller, il est nul. Match qui suit, c'est Tchouaméni à la place de Sankaré. Tchouaméni fait un bon match contre Monaco. Pourquoi il devrait sortir pour mettre Sankaré à la place? Je veux qu'on m'explique. Oh, oh, oh. Voilà. Non, et puis en plus tu fais quoi sur le dimanche? Tu remets, tu mets que des jeunes, parce que je pense qu'on verra ni Plasil ni le Rager. Enfin, il y en a deux qui vont sortir, donc tu peux pas te permettre de faire ça. Non, si vous parlez Bédoué, écoute, il sera pas coach plus tard. À chaque fois qu'il fait les intérims, il les fait bien. Il retrouvera Ricardo à qui il a et des préparateurs physiques avec qui ça s'est bien passé, en espérant que ce soit Ricardo. Il retrouvera si c'est Ricardo, je veux dire. Inch'Allah. On sait jamais ce qui peut se passer. On peut toujours être Henri, hein. On n'a pas un retournement de situation près. Donc là-dessus, c'est plutôt bien. Oui, il gère son groupe. Après, c'est toujours plus simple de gérer son groupe sur des petites périodes. Pour l'instant, il peut très bien expliquer à un Basic que dans l'état actuel des choses, il doit composer avec les joueurs qu'il connaît, et comme il le connaît trop peu, il ne veut pas jouer. Tu peux voir les choses, c'est plus simple à gérer. C'est comme être sélectionnaire d'une équipe nationale, c'est plus simple à gérer que sur la durée. Après, sur le match, pour recentrer au match, on voit depuis Monaco une équipe transformée. Pour moi, on reste sur deux matchs à haute intensité. Ce qui serait bien, c'est d'en réaliser un troisième. On sait que ça va être très difficile de souvent réussir à répéter les performances, notamment après les matchs de Coupe d'Europe, notamment trois fois d'affilée. Donc, on va juger Bordeaux là-dessus, et c'est sur ça que Bordeaux sera attendu, puisqu'on va enchaîner beaucoup de matchs championnat, Coupe d'Europe, championnat. Et on sait que c'est très rare de prendre les 6 points. Or, Bordeaux peut pas se permettre, avec son effectif, de dire que sur les périodes hors européennes, on peut prendre la moitié des points, parce qu'on les prendra après. Non, on sera pas sûr. On n'a pas l'effectif de Lyon, de Monaco, de Paris. Il va falloir faire le job à chaque match. C'est en ça que la saison va être intéressante. Et le match de hier doit quand même, même s'il n'apporte pas de garantie, doit au moins permettre d'amener un espèce d'apaisement. On a par exemple le match de Lohrager. On n'a jamais vu Lohrager à ce niveau-là et il y a des peu de chances qu'on le revoie à ce niveau-là. Mais quand je dis il y a peu de chances qu'on le revoie, hier il a quand même dribblé 3 joueurs à l'entrée de la surface adverse. Je veux dire, ça on l'a jamais vu faire ce genre de choses. Donc le parce que t'es porté par le match, par le public. Non mais ce par que je veux dire c'est que voilà, mais on n'attend pas Lohrager ce genre de match. C'est pas ça qu'on attend de lui. C'est un plus s'il peut le faire. Pourquoi s'il peut le faire, oui, mais on l'a pas vu pendant un an. Donc je vais pas me dire que ah comme il a fait là, il le refera. Par contre, ce que je m'aperçois, c'est que les joueurs ont au moins fait ce qu'on attend d'eux à chaque fois, et que ça fait 2 matchs, et que quand Bordeaux met ces arguments-là, plus l'intensité et l'agressivité, on voit un bon Bordeaux. Parce qu'on a vu un bon Bordeaux. Kalou, on voit qu'il est capable de faire des bonnes choses. Est-ce qu'il va réussir, comme Camano, à durer une saison complète? C'est là où on aura des doutes. Et face à une équipe de je vais de suite vous calmer. Un gars qui est bon et qui est capable de jouer 38 matchs à un bon niveau, il joue pas à Bordeaux. Oui, oui, c'est donc déjà non mais on peut pas dire que ce soit complètement faux. On sait que ça sera difficile. Non mais c'est, voilà, c'est le seul truc c'est qu'il faut pas qu'il y ait des baisses de niveau en même temps. C'est ça. Faut que ça soit compensé. Voilà. Qu'il se relaie un petit peu à être mauvais. Bordeaux surfait sur sa tiens Rémi, on t'a pas entendu encore. Vas-y. Sur le match, mais Bordeaux surfait sur sa victoire et ça je suis persuadé que la victoire de dimanche elle a fait un bien mais immense, je veux dire, t'aurais perdu et même fait match nul. Je suis pas sûr que le match d'hier, même avec un stade plein, un public chaud, tu l'abordes de la même façon. Mais voilà, moi l'impression que ça m'a donné hier, c'est que ben, déjà premièrement, alors on avait déjà parlé après Monaco, mais la situation extra-sportive du club visiblement n'a pas l'air d'impacter plus que ça les joueurs sur le terrain. Hein, ouais, ils font le taf, ils s'y filent, ils se donnent. J'ai vu des joueurs faire des efforts que je voyais pas faire avant. Je pense à Camano, je pense à Pungé, je pense à Lohrager, je pense à qui c'est que j'ai vu aussi dans cette équipe. Voilà, tout le monde disait oh mon Dieu, il y a pas Koundé, oh mon Dieu, il y a pas Koundé, oh mon Dieu, il y a pas Koundé. Bah hier soir les enfants, je suis désolé, Koundé, il a été très bien remplacé par Levchuk. Pablo a fait aussi un très bon match. Palencia à droite, quand je vous disais l'autre jour en rigolant, alors ça fait que 3 matchs, on va pas s'emballer, mais je pense que ça balie, à moins qu'on en fasse un arrière gauche, il va falloir qu'il cravache sérieusement dans les semaines à venir pour retrouver sa place de titulaire, parce que s'il continue comme ça, le petit Palencia, ça va être très compliqué. Ouais, il est pas mal, sauf si on en fait un arrière gauche. Bah, il a fait un coup du monde à gauche. Parce que dans ton groupe, c'est plus intelligent si tu fais sa balie arrière gauche, vu que derrière, t'as 2 joueurs à droite et 2 joueurs à gauche. Rémi, sur le match, on t'a pas entendu. Non, un bon match collectif, c'était pas mal. Bon, après, moi, j'étais vraiment en bas du virage chute, donc j'ai plus kiffé l'ambiance que le match en lui-même. Face à une bonne équipe, alors. Ouais. Ils ont pas été aussi perdus. Alors tu me diras, Bordeaux a pas été aussi nul qu'à l'aller. C'est peut-être ça aussi qui avait fait beaucoup. Ils ont un numéro 7. J'en parlais à Marc pendant le match. Chaque Vetadze là. Ouais, il se lève. 18 ans. Ouais. J'en ai parlé avec des supporters belges après le match. En attendant, il court comme à la passe. Quel joueur! Il nous a déjà mis misère à l'aller. Bon, ouais. Alors en deuxième mi-temps, il était un petit peu éteint. Mais alors, ouais, quel match! Partout, quel en plus, match. À gauche, à droite, au milieu, même sous le banc de touche. Qu'est-ce qu'il est bon, ce gamin, il restera pas là. Puis alors, oui. Nice a tiré sur la barre. Toujours 0-0. Merci. Il a niqué les games en 2 minutes. Non, ça m'était à fond et tout, là, dit quoi? Nice a tiré sous la barre. Non, non, mais moi je maintiens que Nice va descendre. On parle quand même du prochain coach des Girondins de Bordeaux, Patrick Vieira. Ouais, t'imagines. Avec un adjoint Henri. Le mec qui se fait dégager de Nice en décembre. En janvier, tu vas récupérer. Toujours avec Eric, du coup. Pour non, entre temps, Ricardo, ça se sera pas fait. Ils vont on sera notre quatrième club de la saison. Il va bien y avoir un truc qui va tomber. On va arriver, on va être au plan Z bientôt. Oui, ah bah là, à force, oui, il va falloir inventer des lettres. Donc, Rémi. On est à R. Ouh. Ah oui, putain, on est passé de H à R. Ouais, mais alors, le problème, c'est qu'on est passé de H à R, on a sauté toutes les étapes intermédiaires. Et Z, c'est Zico, alors bon. Zidane. Et Zidane. Ou Zidane, ouais, non. Ah Mohamed Zidane, c'est le cousin. Mohamed Zidane. C'est le cousin. Oui, donc, sur le match, pardon. Non, bon match, pas mal. Ah, j'ai bien aimé Camano, puis comme. À but de Nice en plus. Bon, je suis qu'à moitié content. Ouais, moi aussi. C'est face à Lyon, mais en même temps, Nice, ils peuvent se péter la tronche, ça me dérange pas. Oui, donc, match. Ouais, donc, ouais, pas mal, ouais. Kalou, Camano, j'ai bien aimé. Après, ouais. Après, bon, c'est, en face, ils étaient un peu moins bons que la semaine dernière, j'ai l'impression. Mais est-ce que c'est pas Bordeaux, justement, qui était aussi bien meilleur que la semaine dernière? Ils étaient plus derrière, quand même. Ils étaient plus à attendre, comme nous, la semaine dernière, en face. Alors, c'était à l'extérieur. Il faut quand même préciser que la semaine dernière, nous n'avions, de mémoire, nous n'avions ni Briand, ni Kalou. Si, on avait Briand, mais on Kalou avait pas Kalou et Kalou est rentré à la fin, je crois. Et t'avais pas Palencia non plus. Pas Palencia non plus. Donc l'équipe était quand même, avait un visage un peu différent aujourd'hui de celle qui était arrivée. Et au début, tu vois, on avait envie quand même de passer. Tu sens qu'au début, ils sont rentrés direct dans le jeu et tout. La semaine dernière, c'était un peu plus lent. On fait un gros premier quart d'heure, on marque un but. J'aimerais qu'on revienne deux secondes sur le premier but qu'on marque. Bon, le deuxième, c'est un péno, évidemment. Mais alors, qui est dans la construction, magnifique, qui est absolument magnifique. Le ragueur, même moi au stade, je lui dis, mais donne à droite! Parce qu'il y a Kalou qui est démarqué à droite et il fait une passe. Et t'écoute pas, et donne dans l'axe qui élimine 4 mecs dans la course de Camano qui est bon, après tout seul face au but, encore heureux qu'il avait dedans quand même. Mais, moi j'adorais. Ouais, j'ai revu des choses hier, des mouvements collectifs, hier, du jeu à 2, du jeu à 3, des redoublements. Je trouve que Jimmy Briand a été récompensé hier de ses très bons matchs qu'il a fait récemment et de ses efforts. Et tu vois que c'est un leader quand même. C'est un joueur en déviation, il est énorme sur le jeu en déviation. Les petites balles dans le dos de la défense, ça il maîtrise, ça il sait faire. Il s'y file, il sait provoquer des fautes sur lui à des moments importants quand il faut un petit peu temporiser, garder le ballon, revenir. C'est un joueur qui sera évidemment pas titulaire à tous les matchs parce qu'on va jouer là, telle qu'on est parti, on va jouer 50 ou 60 matchs avec les matchs de poule et on va dire, allez, admettons, on fait un ou deux tours de coupe. Allez. Mais voilà, je pense que c'est pour l'instant, dans le recrutement, j'ai vu plus de négatifs que de positifs. Donc c'est voilà, faut espérer que ça continue. Après Briand, c'est un leader comme tu vois que devant il place les joueurs. Après sur le penalty, c'est lui qui va prendre le ballon, c'est lui qui s'impose. Match en Ligue 1, le garçon. Donc c'est bien, mais c'est ce qu'il nous fallait. Mais sur les buts, on parle du premier qui est très beau. C'est pas le premier cette saison qu'on met et qui est beau. Le but qu'on met à Toulouse, la construction est beau. Oui. Le deuxième but qu'on met contre Monaco, il est beau. Ça aussi. Oui, mais c'est des phases qu'on ne voyait pas. Plus trop ces derniers temps. Mais remarque sur le premier but, sur le but de Monaco et sur le but d'hier de Toulouse, il y a les latéraux qui jouent un rôle important dedans. Mmh. Ces derniers temps, ils étaient pas là, ils étaient pas bons. Et donc, Kalou marque pas, mais ramène des pénalties. C'est pas mal. Et Kalou, c'est son deuxième pénalty provoqué, je crois, non ? C'est le deuxième après le premier. Contre Monaco. Le pénalty, il est gentil ou il y a que moi qui. Ah non, moi en direct, franchement, moi en direct, j'ai pas revu l'image après. Je l'ai pas revu. Je peux pas dire. J'ai revu aucune image, je pourrais pas me. À vitesse réelle, pour moi, il me semblait. Ouais, pour vitesse réelle, moi je le sens qu'il est. Il me semblait bon. Je suis content qu'il n'y ait pas là-bas. J'ai revu aucun ralenti, donc je pourrais pas te dire, donner mon avis, je sais pas. Oui, ça, bon, fait un réel. L'arbitre avait l'air assez sûr de lui. Non, mais à vitesse réelle, il n'y a pas de souci. Dans l'angle où il est, l'arbitre il voit rien, mais je sais pas. Sur l'angle que j'ai sur la vidéo, je trouve que c'est pas si évident que ça. Tiens, Marc, on t'a pas entendu sur. Sur le match ici. Si. Autant pour moi. Ok. Donc voilà, c'est le truc. C'est vrai que le premier but, l'action, quand tu sais que ça part de Camano. C'est un jeu à 4 au milieu de terrain. Ah ouais, non, ce but-là est vraiment sympathique et on espère en voir d'autres. Comme quoi ils en sont capables, c'est ça qui va être encore chiant, c'est qu'on va arriver à la fin de la saison en ayant connu une crise et en se disant, ah là là, si on avait été bon tout au long de l'année, on serait plus haut que la 7e ou la 6e place. Bah, faut espérer qu'on en arrive pas là, justement. On voit des bonnes choses dès le début. Non, mais tu vois, sans transition aucune, on peut espérer peut-être faire un parcours parce que le groupe qu'on a eu est pas inaccessible et sans transition aucune, je vais vous le donner. Et bah si, justement. Alors attends, qu'est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le match d'hier? Ouais, non, juste l'ambiance, Thibaut. Ouais, raison, juste voilà, revenir un peu là-dessus parce que c'est quand même le. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. Comme quoi, quand on veut, on peut. C'est-à-dire comme quoi, quand on met les places à 5€, les gens y viennent. Non, mais c'est ça. C'était le sens du propos, c'est-à-dire que on peut pas faire ça tout le temps. Mais je pense qu'il va quand même falloir que le club se pose des questions sur la compétition Europa League et ce qu'on veut en faire, parce que Zenit Saint-Pétersbourg, Trucmuche et machin. Voilà. Si tu fous les places à 15€, t'es 5000 dans le stade. Hein, donc. Ouais, mais alors. Soir. Si le match à 19h, bref. Et donc du coup sur cette ambiance là et notamment le fameux moment où les ultras, tout le stade a repris le clapping, je crois que c'était de mémoire sur tout le stade. C'était quand même quelque chose de... Voilà, il y a quand même des trucs qui ont foutu les frissons quand même. Bon, donc voilà, un grand bravo au public bordelais qui montre encore une fois qu'il est capable de se mobiliser autour de grands événements. Et quand voilà, et le problème, c'est, enfin, maintenant l'avenir, ça serait que le public arrive à se mobiliser aussi sur des événements événements et juste, parce que chaque match est un événement. Et justement, pour faire un petit, parce qu'on en parlait hier soir en tribune, est-ce que justement c'est pas des matchs comme ça où on va pas se mentir, hier il y avait 40 000 personnes, il y aura pas 40 000 personnes contre Nîmes. Ou 35 000. Mais il n'y aura pas 35 000 personnes contre Lille, mais des gens qui, alors nous évidemment on y est tout le temps et on y sera tout le temps, donc c'est ça, on parle pas, et même les gens qui nous écoutent, certains, on s'adresse pas spécialement à eux, mais les gens qui viennent moins souvent, non, ou qui venaient hier pour la première fois parce que c'est encore les vacances, Seb, la soirée elle est parfaite. 35 000 t'as places, t'as un nombre incalculable d'invitations. Oui. Cyril, je te parle pas de ça. Mais non, mais parce que déjà, et donc forcément, t'as des touristes qui ont été touchés. Oui, mais je te parle pas du fait de pourquoi on était 35 000. Je te dis que sur tous ces 35 000, j'espère que t'en as quand même quelques-uns qui peuvent se compter à 2, 3, 4 000, j'en sais rien, qui pourront se dire, bah ouais, je suis venu, j'ai vu un beau match de football, j'ai vu des buts, j'ai vu une ambiance de dingue, et ben peut-être je vais revenir pour Nîmes. C'est quoi le prochain match? C'est Nîmes. Bah peut-être je vais revenir pour Nîmes, et je paierai peut-être 10 balles au lieu de 5. Peut-être. Après, ça se quantifie pas, mais c'est clair que le club aurait tout à gagner à fidéliser. Voilà. Après, ce qui est aussi, je racontais l'anecdote sur Twitter. J'avais une petite fille de 6 ans à côté de moi là qui était avec son écharpe ultramarine. Alors quand tu dis j'avais une petite fille, ce n'est pas la tienne. Non, la petite fille d'un ami. Mais non, mais je vais pas raconter ma vie. Mais quand on voit alors la gamine, elle a 6 ans, elle était debout sur le siège en train de chanter, de voilà. Non, elle faisait pas des doigts d'honneur. Pas à 6 ans, c'est. Je l'ai vu à Lyon. Et d'ailleurs, c'était promets. Très très très compliqué pour moi parce que quand il fallait un peu voilà. Non, mais quand il fallait un peu bouger, bon voilà. Encourager ton équipe. Voilà, mais ce qui est juste un petit parallèle, parce que je sais pas si on en parle ou pas, mais voilà, je pense que c'est le football comme nous on veut voir, c'est-à-dire un football populaire, festif, et qui est fait pour transmettre des émotions. Et quand on voit ce à quoi on a assisté hier. Et moi, quand je vois la gamine de 6 ans dans les yeux, en train de vouloir chanter, etc., etc. Et voilà, c'est ça le football qu'on aime, et c'est ce football-là qu'on veut défendre. Enfin, que personnellement je veux défendre. Je vais pas parler pour vous, mais c'est ce football-là que je veux défendre. Et voilà, donc un grand coup de chapeau aussi à tous ces gens-là, parce que on parle du foot, on parle de l'ambiance, on parle de tout ça, mais sans football populaire et sans football festif, il y a pas ces ambiances-là, et on se retrouve comme le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps où il y a pas d'ambiance. C'était quand même voilà. Assez. Et on assez va pas revenir là-dessus parce que ça serait donner de la publicité à des gens qui, à mon avis, la méritent pas. Merci Thibaut, c'était important de préciser. Le groupe, non, quand tu parles de la publicité à des gens, oui, je parle des forces de l'ordre. Hein, voilà. Le groupe, donc nos adversaires, le tirage a lieu à midi à 13h aujourd'hui même. Marco, donc Bordeaux donc, fondera. Donc le groupe, c'est quoi? Bah, j'ai envie de réagir sur ce qu'a dit Thibaut. On passe. donc dans le, alors oui, je pense que dans la saison on aura l'occasion de redonner, si vous me le permettez, un petit peu le groupe qu'on aurait pu avoir, parce que tu veux faire quoi, le pire? Mais on va donner juste les équipes auxquelles on a échappé, parce que on a beaucoup parlé de je vais trouver mes mots, mais je vais y arriver. On parle beaucoup le poète est comme pas mal. Arsenal, Chelsea, Milan, Chelsea, Arsenal, voilà. Je crois qu'il est Valence. On parle beaucoup du groupe qu'on a. Et on a posé la question sur les réseaux sociaux du groupe que vous auriez aimé. Et il y a eu débat entre ceux qui voulaient un espèce de groupe de la mort et ceux qui voulaient un groupe tout pourri. Comme Rennes, quoi. Donc, dans le point, il y a quand même Séville, Arsenal, Chelsea. Séville, c'est pas grave. C'est Séville. Mais tu dis quoi? Tu dis ville. Tu dis ville. Donc Séville, me fais pas chier. Sinon, c'est Sevilla. Mais sinon, en français, c'est Séville. Donc, ne me casse pas les couilles. Bah, pour une fois, il dit ville. Non, pour une fois, il te fait une remarque qui est pas idiote. Merde. Tu dis ville, est-ce que tu dis une ville ou une ville? Est-ce que... Donc, bon, c'est donc ville. Les Espagnols, à cette géographie. Donc Séville, mais sinon c'est Séville. Je te dis, il y a une ville en France qui s'appelle Séville. Donc, c'est pas les couilles, on dit Séville. Arsenal, Chelsea, Zenit Saint-Pétersbourg, je vais y arriver. Bayern Leverkusen, Dynamo de Kiev, Beşiktaş. Oh putain, ça aussi c'était une limite. Olympiakos, Villarreal, Anderlecht et la Lazio. C'était le chapeau, ça? Ça, c'était le chapeau. Attends, le chapeau des. avec les villes toutes pourries. J'ai pas tout, je voulais donner. Podcast. Dans le chapeau 2, il y avait le Sporting de Lisbonne. Il y avait Marseille, vous pouvez pas les avoir. Il y avait le Celtic. Il y avait Milan AC. Il y avait Fenerbahçe. Il y avait Rapid de Vienne. Il y avait quand même déjà dans ce chapeau 1 et chapeau 2, on pouvait se taper genre un Arsenal Milan AC ou un Séville Milan AC ou un Chelsea Milan AC. Enfin, il y avait moyen. On a échappé à du lourd, contrairement à Marseille. Il y avait moyen d'avoir un gros groupe. Par contre, il y avait moyen d'avoir aussi des groupes trompettés. Voilà. Il y avait même la possibilité de retrouver Vidéoton, parce que Vidéoton était dans le pot 4. Qui ne s'appelle plus Vidéoton d'ailleurs. Qui s'appelle Vidi. Donc, si moi j'avais dû donner le groupe le plus pourri pour les Girondins, j'aurais mis Salzbourg. Je pense que j'aurais mis Gansk. Ou Krasnodar ou Astana. Astana, ça fait quand même très bien. Astana, le problème d'Astana, c'est que c'est au Kazakhstan. Oui. Et t'as 24 heures d'arrivée. Franchement, un groupe pourri où tu me mets Salzbourg et Krasnodar. Je sais pas si t'as vu le groupe de rêve. Je suis pas sûr si t'en sors de ce groupe de rêve. Kiev, Astana, puis des Tchèques. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces équipes-là qu'on n'a pas dans notre chapeau, c'est des équipes qu'on va pouvoir peut-être récupérer en 16e avec les reversés de Ligue des Champions. Oui, faut pas oublier que donc ça va quand même avoir une incidence sur le fait est-ce que Bordeaux va viser la première place ou pas du groupe. Oula, parce que je crois que le fait d'être dans les premières places, éviter. À main levée comme ça, puisqu'on n'a pas assez de micro, qui pense là comme ça? Attends, je vais donner le groupe de Bordeaux quand même, avant que tu postes ta question. Ah oui, pardon, oui. Donc le groupe de Bordeaux au final, c'est... Il y a un sondage aussi. Voilà, c'est le Zenit Saint-Pétersbourg, donc qui vient de Russie, le FC Copenhague, qui vient de Danemark, et le Slavia Prague, qui vient de République Tchèque. On a posé la question sur les réseaux sociaux, à quelle place vous pensez que les Girondins allaient finir dans ce groupe. Alors, on a posé la question pareil au début de l'émission, elle est disponible jusqu'à lundi, donc les résultats finaux seront donnés lundi pendant l'émission. Vous êtes 20% à penser qu'on sera premier, 69% à penser qu'on sera deuxième, donc quand même 89% des gens pensent que l'on va sortir du groupe, 10% à penser qu'on sera troisième et 1% à penser qu'on sera quatrième. Tu peux poser ta question. Si je vous lance là juste à main levée comme ça, à chaud, qui pense que Bordeaux peut être dans les deux premiers de la poule? 1, 2, 3, 4. Bon, moi je me compte pas dans le vote. Est-ce que tu peux poser la même question à moi? Est-ce que tu penses qu'on peut ne pas sortir du groupe? Alors, voilà. Et c'est là où je voulais vous amener. Le tirage est quand même important puisque. Juste sur ça, il y a quand même un sondage sur le tirage. Est-ce que les gens pensaient que c'était un bon tirage ou pas? Enzo l'a posé cet après-midi. Il y a quand même près de 90% qui estiment que c'est un bon groupe, un bon tirage de groupe. C'est vrai que Bordeaux, c'est un groupe qui est ouvert. On peut très bien finir premier comme on peut terminer quatrième. Moi, il y a quand même un truc qui me, même si je suis d'accord en termes de, on va pas se plaindre, moi je préfère avoir ce groupe là que la poule par exemple de Rennes. Rennes, c'est que je déteste, c'est vraiment celle de Rennes. Enfin, Marseille, ils prennent la Lazio et mais Rennes, ils se tapent Kiev et Astana. Oui, c'est vrai que ils vont y aller en Chine là-bas. Ils se tapent deux déplacements énorme en termes logistiques et en termes, et il faut savoir que 48 heures après tu joues en Ligue 1, donc du coup c'est quand même d'ailleurs à ce propos match en Russie pour Bordeaux, juste c'est un beau déplacement, micro parenthèse, du fait que Bordeaux soit qualifié en Europa League, sachez que verrouillez tous vos dimanches à 17h, hein, puisque Bordeaux, Nîmes et Guingamp se joueront les dimanches à 17h. Moi il y a juste un truc qui me, entre guillemets, pas me fait peur, mais premier match qui est celui qui est censé te lancer dans cette compétition, c'est à l'extérieur, c'est à Prague, et le dernier qui est censé peut-être aller décrocher une petite qualif, c'est à Copenhague. On commencera un déplacement à Slavia Prague le 20, ensuite on recevra à Copenhague le 4 octobre, on se déplacera ensuite sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg, on le recevra le Zénith le 8 novembre, on recevra derrière le Slavia Prague le 29 et on finira un déplacement à Copenhague. Mais tu sais quoi, moi je préfère qu'il soit dans cet ordre-là. Plutôt que de terminer la journée 4, journée 5 avec deux déplacements, au moins tu commences déplacement, réception, déplacement. Donc, tu préférerais pas de réception et finir par une réception aussi, pour s'il y a un truc jouer? Bah, tu peux pas. Si tu commences à quoi là tu... Bah si, puisque là tu commences par un déplacement, tu finis par un déplacement. Je préfère me dire, ok, t'as déplacement, domicile, déplacement, me dire ok, donc je préfère, on va faire en sorte d'être deuxième, troisième, tu sais, d'être pas largué, ou même être au contact, ou même être devant, et la journée 4, journée 5, tu la valides. Il faut que la journée contre le Slavia Prague, avant de se déplacer à Copenhague, la qualification elle soit réglée. Au pire, on joue la première place, mais il faut que la qualification soit réglée au bout de 5 journées. Et le fait d'avoir la journée 4, 5, ça te permet de te sortir de situations plus délicates. Après, dans tous les cas, tu joues 3 matchs à l'extérieur, 3 matchs à domicile. Donc, je préfère comme ça le calendrier. Après, tu commences pas avec le déplacement le plus pourri, hein. Le déplacement au Zénith, c'est quand même la 3e journée. Je trouve que c'est quand même. C'est surtout d'éviter le déplacement au Zénith au mois de novembre, quoi. Fin novembre. Non, mais Copenhague en décembre aussi, ça va. Oui, ça peut piquer aussi un petit peu. Ouais. Mais par contre, juste pour une réflexion sur le groupe. Pour moi, l'équipe la plus forte du groupe, c'est le Zénith. J'allais vous le dire, on est d'accord que le favori, c'est quand même le Zénith. C'est quand même incertain. Mais c'est incertain. Parce que c'est ouvert. L'hiver, donc c'est la fin de saison pour eux, donc eux, ils ont quand même une saison entière dans les jambes. Comment est l'effectif du Zénith en ce moment, en sachant qu'il y a eu la Coupe du Monde aussi, où il y a eu des joueurs qui ont été utilisés pendant la Coupe du Monde? On ne sait pas. Notamment Djouba et compagnie. Il y a ça. Mais par contre, le match très très important, c'est le déplacement au Slavia. C'est peut-être pour moi l'équipe celui qui lance la compétition. C'est peut-être le match le plus faible. C'est sûrement l'équipe qui est la plus abordable pour les Girondins de Bordeaux. Il est impératif de commencer, si on veut se qualifier, de commencer par une victoire. J'allais l'extérieur. Te dire quand même, Cyril, on connaît pas vraiment non T'as plus le niveau de Copenhague. Autant au Zénith, on a une idée. Il était à Prague. Alors, est-ce qu'il était au Sparta ou au Slavia l'année dernière? Je ne sais pas. On n'a pas non plus trop une idée du niveau de Copenhague. Sur le chat, il y a Chris qui nous dit qu'on jouera à Lyon avant de recevoir le Zénith. Il était au Rio. Non, il était au Sparta Prague. Non, au Sparta Prague. Ah, voilà. Il est parti libre d'ailleurs du Sparta Prague. Bon, à Lyon avant de recevoir le Zénith, autant vous dire que bon. Ça vous intéresse que je donne le calendrier qui encadre chacun des matchs de Coupe d'Europe ou pas? Si tu le fais pas trop vite pour qu'on ait le temps d'assimiler. Ouais. Ok. Alors, premier match de Coupe d'Europe. Tu vas me dire qu'il n'est pas à jour. Allez, merci calendrier la FP. Bon, c'est pas grave, le temps que tu cherches, on va le retrouver. Donc on disait le Zénith favori, Rémi, oui. Zénith, parce que j'ai regardé sur le téléphone, Zénith pour l'instant, premier, 5 victoires, 5 matchs, 15 points. Ils ont commencé, peut-être avec la Coupe du Monde, ils ont peut-être commencé plus tard du coup. C'est possible. Moi, c'est Copenhague, Slavia Prague et Zénith. On connaît à peu près le niveau. Copenhague, cette équipe des de Copenhague, c'est un petit peu un mystère. On entend souvent son nom, c'est vrai, ressortir, comment dire, régulièrement en tour de barrage ou en phase de poule d'Europa League. Au Danemark, t'as deux équipes. Il y a le Copenhague là, et t'as aussi Midtjylland, qui est aussi une grosse équipe du Danemark. Mais ce sont deux équipes qui se font piller à chaque mercato. Donc grosso modo, à chaque fois ils repartent avec de nouveaux éléments, donc c'est quand même d'une année sur l'autre, c'est quand même très très dur d'estimer cette équipe là. C'est ça le gros problème avec le Danemark. Déjà en France, on voit l'exode de beaucoup de bons joueurs. Alors imaginez au Danemark. Et puis bon, on a l'avantage d'avoir quelques Danois dans l'effectif. Alors je vais vous donner quand même le calendrier à part, donc là on joue Rennes, on va à Rennes, et je vous donne le calendrier Bordeaux quand même à partir du dimanche 16, parce que c'est quand même une course assez folle. Il y aura donc dimanche 16 Bordeaux-Nîmes, suivi le jeudi de Slavia-Prague-Bordeaux, et ensuite la réception, on ira à Guingamp pour le match Guingamp-Bordeaux le dimanche. Donc on fait réception extérieur. Déjà, comment vous sentez un petit peu le coup là, Bordeaux-Nîmes, Slavia Prague, Bordeaux? Moi, j'ai l'impression qu'on peut faire des équipes mixtes à chaque fois. On y reviendra en avant match après la trêve. Bien sûr, mais dans ces matchs-là, j'ai l'impression qu'on peut s'en sortir avec une équipe mixte à chaque fois. Sauf que le mercredi, on recevra Lille qui fait pour l'instant un bon début de saison, et ensuite on ira à Reims, puis on recevra Copenhague. Puis on recevra Nantes, et là on aura notre première semaine libre. On a 3 matchs d'affilée à domicile. On a j'ai jamais dit qu'on a 3 matchs. Non, on reçoit Lille, on va à Reims, on reçoit Copenhague, on reçoit Nantes. Donc pour l'instant, il y a aucun moment avec une trêve, hein, puisque ça fait dimanche 16, jeudi 20, 23, 26, 29, 4 et le 6. Il y aura ensuite 2 semaines de coupure liées à la trêve internationale qui feront le plus grand bien, je pense, du 6 au 20. Et ensuite, on repart avec un Montpellier-Bordeaux, Zénith-Bordeaux, Bordeaux-Nice. Donc Bordeaux-Nice après le Zénith Bordeaux, puis une semaine de repos, un Lyon-Bordeaux, puis Bordeaux-Zénith et Bordeaux-Caen. Déjà Bordeaux-Caen, ce sera les coiffeurs. Ensuite une semaine de repos, enfin 14 jours, donc il y aura encore une trêve internationale, et il y aura un Dijon-Bordeaux, Bordeaux-Slavia de Prague, Bordeaux-Paris qui suivront derrière, Bordeaux-Saint-Étienne, Angers-Bordeaux, Copenhague-Bordeaux, Marseille-Bordeaux et Bordeaux-Amiens, c'est-à-dire que du 15 Eh ben, on va pas s'ennuyer. En fait, dès qu'il n'y a pas une trêve internationale, il y a un match tous les 3 jours. Oh mon dieu, il n'y a pas les matchs de Coupe de la Ligue là-dedans. Et donc, ce qui est important de voir, c'est surtout les priorités du club. Est-ce que c'est la priorité du club, c'est de sortir des poules, ou est-ce que c'est de bien figurer au championnat? Dans un premier temps. Mais ça va être aussi au club de définir. Aujourd'hui, même si avec 2 recrues, on n'a pas l'effectif suffisant et la qualité suffisante pour partir pour faire 3 résultats. En quantité, tu crois qu'on n'a pas assez? Parce on pourra pas reproduire 3 matchs, 3 victoires, ou par exemple 2 matchs, 2 victoires, 1 nul, sur le long terme. On va pouvoir arriver à le faire peut-être sur périodiquement, mais on pourra pas le faire. Laisse-moi juste terminer. Ouais. Moi, ce que je trouve important, c'est que les dirigeants là, vont devoir s'exprimer sur les réelles volontés du club, parce que en plus, à l'heure actuelle, il y a quelque chose quand même qui est hyper important, c'est le classement UEFA, où la France est remontée, et du coup, ce qui a permis à avoir 3 clubs directement qualifiés en Ligue des Champions. Il me semble qu'on n'est pas loin d'avoir un deuxième club de Ligue Europa qualifié directement, ce qui serait pas une mauvaise. Déjà, puisque Marseille et Rennes ont été qualifiés directement. Donc du coup, c'est pour moi, ça va être important, et je pense que au niveau de l'image, il va pas falloir se tromper non plus. Marc. Après, quand tu regardes effectivement. Le début, nos 3 premiers matchs vont être cruciaux. On a un Slavia Prague qui est perdu entre un Nîmes et un Guingamp. Pour moi, tu peux te permettre de mettre l'équipe type contre Slavia Prague et de faire tourner contre Nîmes et Guingamp. Je dis pas que tu prendras tous les points en championnat, mais tu dois être capable de les prendre. Ensuite, ton Bordeaux-Copenhague est perdu entre un Reims-Bordeaux et un Bordeaux-Nantes. Même analyse que le premier, tu dois pouvoir mettre ton équipe type en Europa League et faire tourner et mixer ta rotation sur les 2 autres matchs. Ensuite, tu as un Montpellier-Bordeaux, Zénith-Bordeaux et Bordeaux-Nice. J'ai envie de dire, si tu mets... Tu peux peut-être te permettre, contre le Zénith-Bordeaux, c'est un déplacement assez loin, de peut-être pas mettre ton équipe type. C'est-à-dire... baser ton sur du 0 point si t'as fait le taf avant, pour moi c'est jouable. Et ensuite tu auras ton Lyon-Bordeaux, Bordeaux-Zénith et Bordeaux-Caen, ben tu feras tourner contre Caen, tu referas tourner un petit peu contre Dijon une semaine plus tard et tu joueras ton Bordeaux-Slavia Prague. Et là, à partir de là, il te restera plus qu'un match, et ce qu'on disait, tu auras reçu 2 fois et il faudra que ta qualification soit entérinée. Marc, aujourd'hui tu es à 3 points sur 9, rien ne dit qu'aujourd'hui rien, on va faire un résultat, mais... tu peux très bien te retrouver à 3 points sur 12 et lâcher des matchs en championnat, ça va vite devenir la compliqué. La compétition qu'il faut lâcher, elle s'appelle la Coupe de la Ligue. Parce que la Coupe de la Ligue, ne rêvons pas, elle va démarrer. Mais même la Coupe entre de France, le samedi 27 et le samedi 3, tu as un match de Coupe de la Ligue, c'est le dernier week-end, dernière semaine d'octobre. Tu auras un des mercredis avec un match de Coupe de la Ligue, t'auras un match de Coupe de la Ligue perdu entre entre Bordeaux-Caen et Bordeaux-Dijon, donc entre le 10 et le 24 je pense, ou un peu plus tard. La Coupe de la Ligue, elle va dehors, hein. De toute façon, pour pas la gagner. Ça reste néanmoins on le a qu'un match de Coupe de la Ligue, hein. On est qualifié directement en 8e. Oui, puisqu'on est européen. Oui, mais certes, c'est en décembre. Bon. Bah, ok, mais tu la bazardes quand même, parce que c'est un match. Ça reste, plus, ça reste le chemin le plus court pour se qualifier en Europa League. Oui, mais après encore 6 matchs de barrage, ça fait chier quoi. Après, alors on est invité, c'est gratos, mais bon. Comme on a un effectif assez homogène, à part à certains postes où il y a des joueurs qui vont devoir émerger, je pense au poste de 6 de Préville qui va devoir se mettre au niveau, etc. De Préville contre Rennes, Marc. J'espère. Bah, ça serait bien pour lui. Pour lancer sa saison. Parce que de Préville, c'est horrible pour lui, vu qu'il fait tout bien avant les 30 mètres et derrière il se rate. Mais on peut jouer les 2 tableaux sans souci. C'est pas une équipe type. On n'a pas un 11 type qui ne peut pas bouger. Ouais, t'as des joueurs quand même. Voilà. Qui sont, t'as quand même une ossature. Voilà. C'est pour ça que surtout sur les ailiers où c'est vraiment important. Mais même après, ta défense centrale aujourd'hui, elle est type quoi. Ta ligne de 4 derrière, elle est type. Oui, mais t'as un part à droite. T'as Sabali qui peut sortir. Je pense, et c'est des joueurs comme Sabali, Gaïc, ou c'est des, enfin surtout Gaïc, c'est des matchs avec cette Coupe d'Europe où il doit pouvoir s'exprimer de temps en temps. Juste Marc, je t'inquiète, je t'ai vu. Juste avant, une petite précision pour apporter un petit peu un début de réponse à ce que disait Cyril tout à l'heure sur les objectifs du club. Stéphane Martin, en plus d'annoncer les deux recrues tout à l'heure sur RMC, s'est un peu exprimé sur le tirage au sort. Alors il a commencé par faire un petit trait d'humour. Déjà, il a dit, ouais, il va falloir prendre des moufles et une doudoune, car c'est quand même loin à l'est et au nord. C'est vrai que, ouais, surtout en plein mois de novembre, les déplacements, ça va être sympa. Il dit après, sincèrement et sans langue de bois, je trouve que c'est jouable, notamment la deuxième place de ce groupe qui semble accessible, mais attention, on n'a pas la prétention de dire que ce sera facile, on n'est pas en mesure de le dire, mais bon, ça aurait pu être pire, notre groupe sera ouvert, je pense, par exemple que Marseille a un groupe plus dur, c'est vrai que on rappelle quand même l'OM qui tombe avec Francfort et la Lazio. C'est rigolo d'ailleurs qu'un dirigeant des Girondins ait s'exprimé sur l'émission de Willy Sagnol. Oui, bon, je vois pas où est le problème. Mais trouve un engagement encore une fois. Ah oui, là pour le coup, alors là oui. Après évidemment, mais je veux dire que comme disait Adrien tout à l'heure, il y a forcément des joueurs, mais ça rejoint un peu le débat, enfin ce que j'avais essayé de lancer tout à l'heure, à savoir qu'il y a un groupe de joueurs aujourd'hui qui est écarté et dont tu dis tout cité tout à l'heure Gaïch. C'est des joueurs qui pour moi aujourd'hui même pas dans la rotation là. Ah ben Gaïch, quand ils voient arriver Palencia, de se poser des questions quand même. Voilà. Alors après avec un nouvel entraîneur, on sait pas ce qui va arriver. Mais en tout cas voilà. Non mais le cas qui est clair, oui, c'est oui, que moi je l'écarte pas. Sur la répétition des matchs, c'est pas la défense qui est critère de rotation. Ta charnière sans centrale, suspension blessure, mais sinon ta charnière centrale va pas trop bouger, peut-être un petit peu les latéraux de temps en temps, mais ça va rester stable. Ce qui a beaucoup bougé, c'est surtout le milieu et les ailiers. Même l'attaquant, c'est pas sûr que ça bouge beaucoup. Les ailiers, je pense qu'on est allé chercher un prêt et pas pour rien, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de rotation sur ces deux postes. Après au milieu, pour moi c'est là où on est trop fourni. On a les trois qui ont joué ce week-end, hier, donc Plasil, Tchouaméni, les Rager, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, et le Rager, auquel il faut rajouter Sankaré, auquel il faut rajouter Basic. Et Otavio. Déjà pour moi, ces cinq joueurs-là suffisent à une rotation de rythme tous les trois jours. Otavio, Vada, qu'on a en plus, pour moi, déjà, ils servent à rien. Parce que tu vas jamais sortir ton groupe de 3 pour les remplacer par 3 nouveaux. C'est des petites touches, c'est un ou deux joueurs, mais jamais tout entier. C'est comme ta défense. Tu changeras peut-être un élément de ta ligne de 4, mais c'est tout. Et tu ne feras pas ton milieu et tes attaquants en même temps. Donc il va y avoir une espèce de rotation qui va se mettre en place, mais même la rotation ne va consacrer réellement, et ne soyons pas dupes, que 20-22 joueurs grand max. Grand max. Et aujourd'hui, l'effectif des Girondins, on le sait, très, très, très fourni. Il y a Youssouf et Depril. Il y a un des deux qu'on va beaucoup moins voir. Parce que. Et Mendy sera de retour sûrement. C'est début janvier. Donc, sur la rotation des matchs d'Europa League pour l'instant, on ne compte pas. Donc, dans tous ces détails-là, déjà, l'effectif Bordeaux est trop fourni. Et je suis étonné qu'à 22h22, qu'on n'ait toujours pas des prêts de joueurs bordelais qui soient annoncés. Vraiment, on n'a pas de départ. Après Girondins Info, c'est fini le mercato bordelais. Mais donc on va avoir. Alors tiens, est-ce que on pourrait si quelqu'un a l'effectif professionnel à jour, voir le nombre de joueurs qu'on a sous contrat. Je vais te les donner. Il faudra peut-être rajouter les deux nouveaux joueurs. On doit être loin de 40. Une trentaine. Thibaut. Je vais te le donner. On a déjà 4 gardiens. On peut le faire là. On peut le faire de tête même. Bon, je les ai sous les yeux. On a 4 gardiens. Ensuite, en tant que, on est d'accord avec des contrats, hein. Pas voilà. Bah officiellement, oui, on a pas d'emploi fictif, hein, chez les joueurs. Non, voilà, ils ont tous des contrats. Non, mais je veux dire, quand tu me dis 4 gardiens, genre il y en a pas un, c'est un jeune de la réserve, tu vois ce que je veux dire, qui non, c'est voilà. 4 contrats pro. Ouais. Je parle des contrats professionnels, oui. Gaëtan Poussin, Costil, Prior, Mandanda. Bon, j'ai envie de dire que Prior, il savait déjà à quoi s'attendre. Mandanda jouera pas, ça sera Costil. Et après on connaît, j'ai envie de dire le 2 et 3, c'est les deux jeunes. Voilà, les deux et 3. On sait comment ça se passait. Ensuite, en défense, on a Gagic, Palencia, Koundé, Leschuk, Jovanovic, Sabali, Pelnar, Pablo Punje. Il y en a 9 pour 4 postes. Oh, ceci dit, t'as quasiment tous les postes doublés. Oui, mais t'as un arrière droit en 3. Ah, avec un arrière droit ou un arrière gauche en 3. Ouais. sachant que Djovanovic, t'as-t-il Sissoko qui est capable aussi d'intégrer qui est pas loin de l'équipe première. Pas de contrat. Non mais moi honnêtement, si demain il y a un problème entre les avec Levchuk et Koundé, je suis pas sûr qu'on mette Djovanovic, je pense qu'on peut mettre Til Sissoko. Ouais. Ouais, mais alors dans ce cas-là, quoi, ça sert d'avoir... ça n'engage que moi, mais c'est mon intuition, elle me dit qu'on irait plus chercher le jeune que Djovanovic. On est à 13 joueurs. Au milieu, on a Otavio, Sankaré, Tchouaméni, Vada, Lerager, Plazil, Basic, Youssouf. Ce ne sont que des milieux centrales. Centraux, du coup. Centraux. Il n'y a aucun ailier. Il n'y a aucun milieu droit et aucun milieu gauche. Dumay aussi qui est sous contrat pro. Lucas Dumay qui a un contrat pro. Oui. Ouais, donc on n'a jamais vu encore jouer en Ligue 1. Mais il a un contrat pro. Oui, mais je sais. Ouais. Je te dis, on n'est pas loin de 40, franchement. Les jeunes qui sortent, qui ont eu un contrat pro là cette année, qui sont en CFA. Tu vas bien dire Dira, Dira et Nilor. Pourtant, ils vont plus jouer en CFA. Non, je vais pas les dire. Oui, mais ils ont des contrats pro. Oui, mais tu sais très bien qu'ils sont plus en une phase de transition avec la réserve. Et Ben Raoult aussi, non? Tu sais très bien qu'ils sont plus en une transition en CFA pro. Oui, les contrats, c'est pour les blinder, pour dire on les garde et voilà. Donc c'est pour ça. J'essaie juste d'être un minimum réaliste dans l'effectif professionnel que va utiliser l'entraîneur. Après, oui, peut-être qu'on aura encore un Koundé. Sauf si t'as un Mbappé dans le tas qui se révèle en janvier et qui fait un truc de fou. Donc, pour l'instant, à 13, il faut rajouter 6 et 7 et 1, 21 joueurs. Pour l'instant, on a 21 joueurs. Pas loin de 40. Et j'ai compté Youssouf dans les milieux. Et ensuite, en attaquant, Briand, Kalou, Kamano, Mendy, Depréville, c'est-à-dire 26 joueurs. Plus 2 d'aujourd'hui. Plus les 2 d'aujourd'hui. 28. On a beaucoup trop de monde. Hein. T'as 28, t'as tes 4 jeunes que tu comptes pas. T'as, comment ils s'appellent là, les deux prêtés, là, Mancini et... Qui vont revenir de près, Mbopenza, 28 joueurs. Donc t'es à 34 contrats. Tu rajoutes Bayes qui va revenir de près à la fin de saison. J'avais oublié Bayes. Donc quand 35. Quand je vous disais 28. On est loin des 25. Quand je disais 28, je comptais. Quand je disais 22 joueurs, enfin 20 joueurs environ. C'est Costil, c'est Palencia, Koundé, Leschuk, Sabali, Pablo, Pungé. Donc déjà Pelnar, Gagic, Jovanovic, on va pas les voir. Au milieu, Otavio, Vada, on les verra pas. Et Youssou, je me pose des questions, où c'est Depréville qui va sauter. Mais même dans l'attaque, Mendy, on n'entendra pas parler au début. Enfin, tu les verras dans la rotation peut-être. Non, mais au final, mais pas tant que ça, parce que t'as Briand qui va quasiment rentrer avant Depréville. Ou alors Depréville va rentrer sur un côté, mais tu vas peut-être faire plus rentrer l'autre que tu viens de recruter aujourd'hui, dont j'ai déjà oublié le nom. Enfin, t'as un effectif qui est très garni. Donc après un moment, il va falloir l'utiliser. Et on sait que si tu ne fais pas jouer les joueurs, ben forcément le jour où tu les appelles, ils sont moins bons. J'aimerais juste qu'on fasse pas ce qu'on faisait sous Laurent Blanc, c'est-à-dire que dès qu'on voulait faire tourner après un match de Ligue des Champions, on changeait 90% de l'équipe et après on disait ah ouais mais ces joueurs-là ils ont pas montré ce qu'il fallait. En même temps, s'ils jouent jamais ensemble, c'est compliqué d'avoir des repères, des automatismes et du rythme. Donc il va falloir qu'on ait une rotation et c'est ce qui me plaît dans le calendrier des Girondins de Bordeaux, c'est qu'on a une rotation qui va nous permettre de nixer autour de l'Europa League et ne pas servir de l'Europa League pour faire des rotations. Alors justement, en parlant de rotation, on va terminer l'émission par placer un petit mot quand même sur ce qui nous attend dimanche. On fait un petit prono de qui la place que vous voyez finir les Girondins de Bordeaux dans la deuxième poule. Pour moi, derrière le Zénith. Deuxième et on tape Arsenal en 16e. Allez, je rechéris. Deuxième et on tape Marseille en 8e. Ah là ça me plaît déjà un peu plus. Là ça me plaît plus déjà. Honnêtement je suis incapable de. Comme ça là j'ai envie de dire premier mais bon. M'a dit premier. Ah oui dis premier. Par pur chauvinisme je parlais la première place aussi. Thibaut. Tu l'as dit Thibaut ? Oui, il a dit. Ah oui, deuxième. Je suis deuxième derrière le Zénith qui sur le papier. Ah bah écoutez messieurs, on verra ça. Quand c'est le dernier match, t'as dit le dernier match. Le dernier match c'est le 13 décembre. 13 décembre, donc ça tombe à vendredi. Ah bah non, c'est con. On verra mi-décembre si Bordeaux se qualifie pour les 8e de finale. En tout cas, on l'espère, un premier ou deuxième, on va pas se mentir, l'essentiel c'est de se qualifier après qu'on soit premier ou second. De toute façon, on prendra un gros en 8e. L'essentiel c'est de participer. Oui, bah oui, bien sûr. Phrase de loser. C'est clair, une belle phrase de loser. Bref, si vous aimez participer, ça n'engage que ça n'engage que Marc. Bon, messieurs, on va terminer l'émission. par le match de dimanche. Hein? Oui. Le match de Rennes quand même un petit peu parce qu'il y a quand même un match dimanche 17h, ouais, donc 4ème journée de Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux se déplacent sur la pelouse du Stade Rennais. Le Stade Rennais 13ème avec 4 points, juste devant les Girondins 15ème avec 3 points. Autant vous dire qu'une une victoire là-bas permettrait de remonter, voilà, de grappiller encore un petit peu des places, de se rapprocher de la 10ème place. Sachez qu'il y a eu 38 et 13, 51 confrontations entre le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux. À Rennes, évidemment. Et ben, la dernière victoire bordelaise, tiens, est-ce que vous sauriez me la sortir comme ça? Alors, je vous exonère de celle de 2013 en Coupe de la Ligue. La dernière victoire en championnat, en terre rennaise. Aha! 2009, non? Aha! Non, c'est moins vieux que ça, c'est en 2013 toujours. Mec, il a même pas laissé l'occasion qu'on réponde, quand même. Bah, parce que vous m'auriez tous dit des dates, des années, tombées à côté. La bonne date. Les Girondins s'étaient imposés en 2013, 2-0, donc ça fait 5 ans. Et je viens de voir avec la Coupe de la Ligue, en fait, on a gagné 2 fois à Rennes en presque une semaine, grosso modo. Un mois, même pas. Donc, Rennes. Oui, bah écoute, voilà, Rennes. Rennes qui a fait quand même un recrutement. Rennes, on va aller pas manger vilain. Des galettes saucisses. Rennes qui a fait quand même. Rennes qui a quand même fait un recrutement pas vilain, qui a fait une intersaison plutôt correcte, qui a gardé son coach, donc qui est dans la stabilité par rapport à l'année dernière. Et le bon vieux Atem, s'il va signer là-bas. Et le bon vieux, alors bon. Atem, HBA va signer là-bas. On va pas se mentir, même s'il signe d'ici ce soir, je pense pas qu'il soit opérationnel dimanche. Par contre, Rennes qui a enregistré le renfort de Clément Grenier, par exemple. Oui. D'ailleurs, nos recrues. Bah, j'aurais bien aimé l'avoir, mon Clément Grenier. Qualifié pour le match, là, c'est mort. 48 heures. Ah bah oui, 48 heures. Eh, quoi que, s'ils non, ont mais signé dimanche, avant, je n'ai pas compté 17. Comme un jour. Ah oui, merde. Voilà. Oui, donc, 48 heures ouvrées. Donc ils seront là, par contre, pour. Oui. Sur Ben Arfa, ce qui est marrant, c'est quand même, c'est le seul joueur quand même qui a une fiche donc dans les jeux avec une doudoune. Ouais. C'est vrai. Une fiche dans les jeux, c'est une photo. Il y a une photo des joueurs en tenue et le seul qui est en doudoune, c'est Ben Arfa parce qu'il a pas joué. Voilà. Bon, c'est moche de se moquer, mais en même temps. Ouais. Donc Rennes, ça vous fait peur? Non, mais Rennes, de toute façon, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Pour Bordeaux, en tout cas, puisque t'as rappelé les statistiques, enfin l'historique. Après. Si on veut vraiment clore la semaine en beauté, il faut aller faire un résultat là-bas. Alors c'est facile de dire ça assis ici au micro de RIG 90.7 FM. Et sur rigfm.fr. C'est facile de le dire là. Après c'est vrai que bon voilà, ça sera bien parce que Costil va pouvoir revoir ses copains. Et oui, le retour de Ben Costil à Rennes. Donc espérons qu'il ne leur fasse pas trop de cadeaux. Mais blague à part, voilà, moi j'attends de Bordeaux qu'on voit un petit peu ce qu'on a vu déjà contre Monaco et surtout ce qu'on a vu contre la Gantoise, qu'on soit capable aussi de mieux terminer, disons, cette première partie de phase aller que ce qu'on a commencé. Parce que je reste persuadé de ce que je dis sur le, il y a quand même une 3 points sur 9, c'est quand même pas du tout un bon bilan à Bordeaux. Ça permettrait de rééquilibrer un petit peu. Donc ça permettrait exactement de rééquilibrer un petit peu et d'aborder disons cette coupure internationale de manière un peu plus sereine. Et d'ailleurs, je profite pour dire que Eric Bédoué a déclaré, je crois, après le match de la Gantoise, qu'il allait appliquer le programme que Gustavo Poyet avait concocté, à savoir une coupure totale de football pendant une semaine, puisque les joueurs ont encaissé une préparation physique apparemment qui était, enfin, coupure totale. Ils vont pas aller à la plage, Mais disons que il sera basé sur la récupération. Voilà. Et qu'il a dit aussi qu'il y avait des chances que Bazic joue. Bah, il serait temps, oui. Parce qu'il disait qu'après Toulouse, il avait aligné, mais c'était trop tôt. Maintenant, il a eu l'occasion de le voir. Donc, il y a moyen qu'il fasse partie de cette rotation et qu'il joue. Sur le match de Rennes, ils ont perdu Gourcuff, donc ils vont prendre 3-0. regarde, Gourcuff est assigné à Dijon, il joue même surtout, pas. Ils ont perdu Cazeri. Oui, ils ont surtout perdu Wabi Kazri. Mais ils ont fait un match intéressant à Marseille la semaine dernière. Oh bah plus qu'intéressant, ils menaient 2-0 et si encore ils mettent pas un but contre leur camp, magnifique certes, mais contre leur camp. Il y a eu un penalty et un cadeau. Donc. Bah c'est ce que je te dis, c'est pour ça, moi je pense que. Enfin, bon. Mais tu vois, nous les adversaires analysent Costil comme étant une faiblesse du jeu bordelais. La faiblesse du jeu rennais pour moi, c'est leur manque de concentration et leur manque de sérieux défensif quand ils ont la balle. Donc, et on l'a vu à Marseille, on l'a vu à Marseille. Il va falloir faire quand même très très attention à leurs attaques oui, rapides. Évidemment. Parce que le SAR, il va quand même super ouais. super vite. Ouais. Et ça va être la grosse force de Rennes, ça va être les attaques rapides, les transitions. Dès qu'on va perdre la balle, il va falloir être. Le petit Koundé, va falloir qu'il galope. Ouais, non, Pablo va vite, donc je pense. Mais le gros problème, c'est être dans le dos de Maxime, parce que ça va être surtout ça. Et donc, du coup, il va falloir vraiment faire attention sur les pertes de balles, à être sérieux dans le replacement et dans le contre-effort. Après, sur ce match de Rennes, Rennes, honnêtement, ils font plutôt un bon début de saison, mais ils ont pas la baraka. Je pense vraiment que c'est un match où on peut ambitionner à prendre au moins un point. Ça me paraît pas. Ça sera un bon résultat. Après, je peux pas. J'imagine Koundé revenir dans l'axe central. Après le quid, ça va être Palencia. Est-ce qu'il est capable de reproduire un match 48 heures après un match avec une telle débauche d'énergie comme il a fait contre la Gantoise, parce qu'il a vraiment fait un match plein. Donc je me demande s'il va pas mettre les Fchouk à droite. Sabali n'est pas prêt. Un match complet, à la limite, peut-être une mi-temps ou une heure, mais un match complet, si c'est aussi intensif que ce qu'on a vu là sur les deux derniers. Je me pose la question sur Palencia. Après sur les offensifs, Kalou, Kamano, ça a l'air quand même en pleine canne, donc moi je me fais pas de soucis sur leur capacité à reproduire des efforts 48 heures après. Le Raguer non plus. Peut-être changer Tchouaméni et repasser Plasil. Ouais, par contre, ouais, Plasil. Parce que Plasil, le pauvre, à force de dire à un moment donné, je pense qu'il va le payer encore une fois, comme l'a dit tout à l'heure Thibaut, t'as besoin de lui pour encadrer ce milieu-là. Et même si c'est pas forcément le joueur qui ressort, c'est quand même celui qui replace, c'est celui qui parle énormément sur chaque phase arrêtée. Après, pour tous ceux qui crachent, qui critiquent Plasil, regardez vraiment le match de la Gantoise. Et certes, c'est pas le grand Plasil, c'est voilà. C'est un entraîneur sur le terrain. Mais, franchement, un con. Sur le terrain, c'est vraiment quelqu'un qui guide, quoi. C'est un entraîneur sur le terrain. Il est toujours en train de replacer ses joueurs. Il est tout le temps en train de parler. Vraiment, il a une position qui est haute qu'un joueur simple. Mais il vaut mieux un entraîneur sur le terrain. Qu'un joueur sur le banc. Et un entraîneur sur le banc. Après, voilà. Après, sur l'attaque, moi, je relancerai de Préville. Je relancerai de Préville à l'extérieur sans pression. Thibaut c'est quand même le moyen aussi de lui montrer que il a quand même encore sa chance au Girondins de Bordeaux. C'est pas le. Tu disais que Bédoué travaillait beaucoup sur. Je sais plus si c'est toi ou Thibaut qui disait que Bédoué travaillait beaucoup sur la confiance et le psychologique. Donc il est très très pédagogue. Donc je pense que il va pas vouloir couler certains joueurs. Alors il y en a d'autres qui n'hésitera pas à couler. D'ailleurs, ils ont déjà été coulés depuis un moment. Mais je pense pas que de Préville, je pense qu'on aura besoin de lui cette saison, donc ce serait pas un bon truc de le mettre au placard dessus. Ah oui, c'est sûr que c'est jamais un bon truc de mettre ton attaquant, d'entrer au bout de 4 journées, placardisé, et oui, non, c'est clair. Marc. Désolé, je mets pas de Préville pour autant. On a besoin de points, on l'a dit tout à l'heure. 3 points en 4 matchs, ça serait vraiment pas un bon résultat, même 4. Il faut absolument prendre 3 points. Donc il va falloir mettre la meilleure équipe possible. Pour moi, Plasil, au vu de ce qu'a dit Bédoué, Plasil va devoir souffler. Oui, c'est un des joueurs qui a tout joué depuis le début de saison. Autant le Raguer a eu des moments de coupure avec son nez cassé, etc. Moi, je crois que lui, Koundé. Koundé a pas joué. Il était suspendu. Non mais. Avec Costil, je crois que c'est le. Il a joué tous les matchs. Peut-être Pungé aussi. Il faut qu'il souffle. Non, Pungé a été suspendu en début de. Il a raté Toulouse. Donc il va falloir qu'il souffle, absolument. Donc c'est lui que je vais sortir. Tchouaméni, je sais pas s'il est capable de réitérer ça. Donc j'en sortirai les deux, ou au moins Plasil. Je mettrai au moins Basic. J'ai envie de mettre Sankaré. Je pense aussi, que Sankaré jouera. Oui. Donc je pense qu'on aura Basic, Sankaré et le Raguer. Et devant, je remets la même attaque au moins Kalou. Mais Kamano a aussi soufflé il y a pas très longtemps. Donc, j'ai envie de dire, si au bout de 3 matchs d'affilée, on se sent obligé de reposer des joueurs, là, j'ai un problème. Parce que là, on tiendra pas la saison. On parlait de faire des rotations. Mais les rotations, il les a faites au match aller contre Gent. On a déjà fait le pari au match aller contre la Gantoise. Donc, Camano, Kalou, ils n'ont pas joué. Briand, c'était pareil, je crois. Enfin, oui, s'il avait joué, mais il était à court. Donc, il ne fait jamais tous les matchs. Donc, ton attaque, c'est la même. Ton milieu va changer. Deux joueurs, ton milieu change. Oui, et tu fais revenir, et tu fais revenir Koundé dans l'axe. Et c'est tout. Et tu ne touches plus à rien. Palencia, ben, j'espère qu'il va être capable d'enchaîner sur la durée, parce que sinon, il va lui-même s'éliminer. Et puis les jeunes, quoi, ils ont 20 ans. Après, il va falloir que les joueurs soient sérieux. C'est-à-dire que ben, le soir, on fait moins la fête. Le midi, on s'axe plus sur la récupération pour être au top. Le match suivant, ils veulent jouer des matchs tous les 3 jours. Ils ont voulu aller chercher la compétition européenne. Qu'ils la kiffent, cette coupe. Et pour la kiffer, il faut qu'ils soient parfaits dans la récupération et dans l'action qu'ils vont avoir tous les jours avec leur corps. Donc, pour moi, tu changes déjà 3 joueurs. T'as des joueurs qui ont pas fait la préparation entière. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu sors 3 joueurs. Pour moi, en sortant 2 joueurs au milieu, plus le retour de Koundé, ça te fait sortir 3 joueurs par rapport à ton match de la Gantoise. Tu auras ensuite des remplacements, mais pour faire sortir Camano et faire entrer Zaidou, pour sortir Briand et faire entrer Depréville. Et était Palencia à le faire sortir les 20 dernières minutes pour faire entrer Sabali, mais ça me paraît quand même plus risqué de faire un remplacement sur la ligne de 4 derrière en cours de match. Ça va très vite à Rennes, il a quand même un déficit de vitesse Palencia. Si en plus physiquement il n'y est pas, qu'il n'a pas les capacités physiques à reproduire un match 48 heures après, il n'a rien fait comme préparation avec le Barça. Oui, non, mais bon, les préparations avec Barça B et les préparations que t'obliges à avoir des matchs de Ligue 1, championnat le plus physique d'Europe. Mais donc je pense. Mais moi, je mettrais Levchuk, oui. D'accord. Mais après voilà. Sauf si de après lui-même... si tu veux envoyer Palencia directement dans le mur, il y a mieux. Mais c'est pas ça. Et après il y a quand même une chose, c'est la préparation. Non mais Sabali il est encore blessé, il a pas fait un match de préparation. Donc on va peut-être laisser reprendre un petit peu avec la CFA 2 minutes. On continue ton argumentaire et après on passe à pour Palencia. Après s'il est cramé et qu'aujourd'hui demain à l'entraînement, il a plus d'énergie au coach et en plus à un préparateur physique de le sentir. Mais si le joueur physiquement est en bonne forme, il joue. Voilà. Pour moi, je te dis, il y a 3 joueurs que je suis sûr de sortir. C'est Leshfouk de son poste de décès pour le retour de Koundé. C'est Plasil au milieu et c'est Tchouaméni. Les autres, si jamais physiquement ils peuvent répondre présent, ils répondent présent. Marc, sur le chat, on a une question pour toi. C'est Machonneur qui nous demande Depréville, ça se prononce comment ? Comme Séville ou comme une ville ? Depréville. On dit ville ? Donc Séville. Le pire, vous savez quoi, les gars, le pire de l'histoire, c'est que. Depréville. Évidemment qu'il a tort, jamais personne n'a prononcé Séville. Tu dis bien une goupille. Oui. Tu dis pas une goupille. Mais voilà. Mais non, mais le pire, c'est que dans l'absolu. Mais j'ai raison, je suis désolé. Il y a des mots comme ça. Bon, stop. Une fille, tu dis pas une fille. Voilà. Oui, mais tu dis une ville, alors on me casse pas les couilles. C'est vrai que la langue française. Moi, je sais pas comment ça se prononce, mais je sais que tu me pètes les couilles. Hein. Bien, messieurs. Attendez. Bonne soirée à vous. Mais non. Voilà. Avant de terminer. Et les pronos. Effectivement, les pronos. Quel est votre pronostic ? Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Alors, on va commencer par qui ? Bah tiens, on va commencer pour une fois par la droite. Thibaut, boucherie ou pas boucherie ? Victoire des Girondins de Bordeaux 1-0. Bon, petite bouchette quoi, tranquille. C'est exactement le même. C'est ce que j'ai pronostiqué sur votre Faut que je fasse. Je l'ai fait. Je me suis inscrit à la J4 quand même, hein. J'ai complètement oublié. T'as déjà un match en retard puisqu'il y a eu je vais le faire ce soir. Moi pareil, 1-0 aussi. Rémi, Cyril. Moi j'ai pronostiqué 2-1 pour Bordeaux. Ça me va bien aussi, c'est bien ça. Victoire. Ouais, puis attention, le 3-2 il va sortir. Voilà, putain, derrière 3-4-3. Doublé de Camano, doublé de Kalou. Oh putain, toi t'es ambitieux. Et si ça sort, les mecs, attention. Et donc, je vais vous donner le classement après 3 journées, puisque le match de ce soir doit pas être fini, donc pas comptabilisé. Si ça y est, Nice a battu Lyon 1-0. Et j'ai perdu. Mais je sais pas si comptabilisé, on verra ça. Mais donc, et premier, Cyril. Suivi de Polo 33, Basque 33-64, Adrien Géa est quatrième. Eh, hey, Cyril Adrien dans le top 5. 5, on a Natomia. Ensuite, on a aussi 5e ex-aequo, Van Basten 33. 7e, Seba 33. Et tu veux me dire où je suis, moi 40. J'ai fait qu'une journée. Attends, mais... 9e, CJ 972. Et 10e, on retrouve Bobby Biscuit, hein, donc Enzo. Et on a 3 gars dans le top 10. Moi-même. À 4 gars dans le top 10. Poupoun 0504. Tom 1707. C'est pas Julien ça, Poupoun? Je sais pas. Et Tom 1707. Donc voilà, les 10 premiers, ça tient de 57 points à 75. Donc essaie de trouver ma place. Seb, mais si tu me donnes ton pseudo, ça peut être. Je sais plus, Seb Ja ou Sentenza, j'ai mis, je sais plus, regarde un truc dans le genre. Putain, le mec pas trop loot, c'est ah, si t'avais un peu de culture cinéma, tu t'aurais compris direct d'où ça vient. Donc, bah, c'est alors, le bon labrut et le truc, j'ai surtout. Seb 01. Non, c'est pas moi. J'ai Seb Ultra 76. C'est sûrement par moi. Et j'ai Seb Anori. Non, je te dis Sentenza, S-E-N-T-E-N-Z-A. Regarde. Là, là, là, là. Sentenza, tu es 78ème puisque tu as pris 20 points. Eh hey bon, j'ai joué qu'une seule journée. Mais c'est juste pas mal. Pour vous dire que Yann Caramo a été officialisé par le club il y a 10 minutes. Parfait. Voilà. Et ben le mercato bordelais est terminé. Donc, officiellement. C'est ma blague qu'on a lancée sur Twitter. Grâce à l'arrivée de Caramo, les Girondins passent en 4K. Ah ouais, alors là, il y a le KKK. Caramo, Carasso. C'est la définition. Il y a les nostalgiques qui vont peut-être aussi. Ouais. Et d'ailleurs, celui ami américain. Cafou, mais ouais, c'est alors, pas parce qu'il était mauvais, c'est parce que c'est un CA. Plusieurs, c'est pas un K. Plusieurs choses sur le chat. Déjà, les pronos. Pat 33 nous dit Bordeaux-Rennes 2-2, 2-1 pour Goubrabra. Alors, 2 fois 1 pour Rennes. Donc, je pense que ça veut dire 2-1 pour Rennes. Victoire Bordeaux 1-2, Briand de Préville pour Drummer 33. Et Pat 33 nous demande que gagne le premier. Bah, rien. Le premier, il gagne. Un repas avec Marc. À la limite, il pourra venir faire une émission. Pour parler de. Mais le premier, ça va être Cyril, peut-être. Ou alors, un de l'équipe. Donc. Alors. Non, pour clôturer cette émission. Et après, j'aurais envie de vous soumettre une idée que j'ai eue pour les après-match. Vite, s'il te plaît, mon ami. Pour clôturer cette émission, Chris nous dit le son L de ville découle de l'étymologie, même son dans le latin villa. Autre exemple avec même prononciation, bacille de bacillus. Le son Y de cheville découle de l'évolution du latin clavicula. Autre exemple, chenille du latin canicula. Je crois qu'avec ça, on peut aller se coucher. Merci, maître Capello. Merci Chris, c'était. Chris, ça nous dit pas qui a raison, mais au moins on sait d'où ça vient. Juste les sondages. En Europa League, vous pensez que les Girondins les Girondins va finir. Ouais, oui, bien joué Marc, parce que j'avais marqué Bordeaux avant. C'est pas grave, on donne les sondages à taper au seul gars de l'équipe qui sait y écrire. Qu'est-ce que vous voulez je vous dis. Non mais si tu veux, au début j'avais marqué Bordeaux et j'ai changé par les Girondins pour mettre le arrobas. C'est si tout juste s'il sait compter en plus. Erreur fatale. Voilà, c'est. Non, comptez, ça va. T'as eu combien au bac de français? À l'écrit ou à l'oral? Bah, les deux, je sais pas, j'ai jamais passé le bac de français. À l'oral, j'ai eu 11, à l'écrit, j'ai eu 6. Ouais, c'est pas mal. Non, mais je suis en bac. Ce qui est indifférent, c'est que j'ai eu 11 à l'oral. Non, mais. Si c'est à l'écrit, on est dans la mais moyenne. C'est là qu'on se dit que tu vois, l'informatique, finalement, c'est vraiment le bon domaine. T'as vraiment avec bien des 0 et des 1. Alors, si tu veux, j'ai fait bac S, hein, je sais pourquoi. J'ai tout misé sur les sciences. Hein. Non, mais alors, c'est bien. Tu as bien choisi ton domaine. Bravo, Marc. Les Girondins vont finir à quelle place de son groupe? Donc, on a 20% pensent qu'on va être premier, 70% deuxième, 9% troisième et 1% quatrième. Donc, on rappelle, les votes sont ouverts jusqu'à lundi soir. Et on redonnera le résultat lundi. Pour seriez-vous satisfait que Ricardo soit le prochain coach des Girondins? On est à 48% de oui contre 52% de non. Hey pareil, mais résultat lundi. Il y a quand même plus de gens, c'est quand même une info. Et ensuite, importante. Pensez-vous aller au stade voir les Girondins pour les matchs d'Europa League? On a 79% de oui et 21% de non. Maintenant, j'ai reposé la question. Pensez-vous aller voir les matchs des Girondins de Bordeaux si les places sont à plus de 15 euros? Voilà. Bon, oui, c'est clair. Mais pour l'instant, les gens ont envie quand même d'y aller. Il va y avoir un pack, trois matchs qui va sortir, qui va être communiqué la semaine prochaine. Bah, voilà. Les infos vont être communiquées la semaine prochaine. Je ne travaille pas au club, mais voilà, c'est. Et donc, vu que tout à l'heure on était dans les blagues prises sur Twitter, je vais prendre chez les Girondins qui ont fait Saint-Pétersbourg, Copenhague, Prague. C'est pas la Coupe d'Europe, c'est un enterrement de vie de garçon. Voilà, ah oui. Et Pat 33 nous dit. Ce qui se passe dans ces villes-là. Pat 33 nous dit et il s'en vante en plus de ses notes. Ouais. Bien, messieurs, je crois qu'on peut aller. On peut aller dormir. 11h moins 10, je pense qu'on peut. Voilà. Non, parce que là, ça va partir. Je pense qu'on peut rentrer. Ça va faire presque 3 heures d'antenne quasiment non-stop, donc je pense qu'on peut aller se coucher. Avec une pause au milieu, mais on a été pas mal. Donc, merci aux amis du chat qui étaient présents ce soir. Merci à Pascal qu'on a eu au téléphone. Merci à Romain Molina d'avoir participé avec nous à cette émission. On se retrouve, nous, donc, on est quoi, la vendredi, lundi 20h, 21h30 pour débriefer ce match de Rennes. On parlera. Ah non, il n'y a pas de. Puisqu'il y a l'équipe de France qui joue mercredi, si je dis pas de bêtises, dans la fameuse Nation. Par contre, vendredi prochain, on a notre émission spéciale. Vendredi prochain. Gérard, donc la première, donc à ne pas rater. Alors, ça sera pas que. On vous annonce pas encore les invités. Donc voilà, là, c'est l'émission où détente, où chaque premier vendredi du mois, on fera une émission qui sera un petit peu décalée. Elle sera pas encryptée. Donc voilà. À la radio, c'est compliqué. Grosso modo, l'année dernière, je sais pas si vous aviez écouté, l'interview de Monsieur Parianti, le président des Boxers. On sera dans cet esprit-là, tout en gardant un lien avec les Girondins. Mais alors, on parlera des Girondins, évidemment, voilà. Puisque alors bon, là évidemment, pas dévoiler de quoi. Là évidemment, c'est une trêve, mais on parlera quand même de. Mais du coup, voilà, ça sera 21h. Nouvelles horaires, du coup, ça sera 21h minuit, puisque à partir de la semaine prochaine, les désaccès reprennent leurs émissions de 19h30 à 21h devant le match. Devant le match, donc du coup, juste avant chaque vendredi. Du coup, nous tous les vendredis. Nous diffuserons à partir de 21h. Donc voilà. Donc et le lundi 20h, 21h30, tout sera rappelé. Et vous inquiétez pas, on vous remettra. Voilà. Tout sera rappelé sur les réseaux sociaux et sur Girondin. Vous allez avoir du mal à vous y faire pendant une ou deux semaines, et après ça va rouler tout seul, comme à chaque fois. La semaine prochaine, donc du coup, dans Gérard, on aura des invités. Et donc du coup, à foison. Émission de 3h. Voilà. Émission avec une pause. De bonne humeur, en voilà. Émission, voilà, on va vous faire, on ça va, sera en fait, beaucoup moins sérieux que notre invité. Voilà, de ce soir. Et on va on essayer de, vous, oui, faut ouais. espérer, sinon, si à chaque fois comme ça, on n'est pas bien. on va essayer de vous faire, ouais. on va essayer de vous faire découvrir d'autres choses, okay. qui s'assurera autour du sport et des Girondins, évidemment, vous inquiétez pas, il y aura quand même, on et parlera des Girondins. Catégorie des Girondins. Et voilà. Bref, donc ça sera vendredi le 7, la semaine prochaine, 21h, 23h, pour minuit. Pour l'instant, messieurs, il me reste à vous remercier. Merci Thibaut, j'oublie pas les phrases de fin. Merci Rémi, merci Cyril, merci Adrien, merci Marc. Les phrases de fin, Marco. C'est le seul mec pas prêt qui a pas le micro devant sa bouche. Ta gueule, Seb. Donc c'est que le micro. Adrien. Rod to Bakou. C'est bien. Rod pour Bakou, traduction. Oui, non, mais c'est bien, oui, précise. Mais c'est Nac, le Seb l'unique. Non, moi toujours, liberté pour les supporters. Thibaut. Ferme là, voilà. Claude Bèze à jamais le premier. Et bientôt plus le seul, c'est ce que nous a dit Romain Molina. Ça a l'air. Bref, allez messieurs, merci à vous. Oh mais faites le taire, bordel. On se retrouve donc vendredi, lundi 20h, 21h30, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, un bon match dimanche si vous allez à Rennes. Et puis même si vous le regardez dans la télé, on vous souhaite un bon match. Bon week-end et allez Bordeaux.